Et enfin la vérité vient d'être dite. Voilà. Quel est le programme de votre belle bande originale? Ça sera un deuxième qualificatif pour vous. Radin, c'est le film avec Danny Boone et Laurence Arnay qui sont nos invités. C'est vrai. C'est vrai. Bonne émission, Nagui, bonne émission. Merci. Il est 11h sur France Inter. Le Flash, Laetitia Gaillet. Bernard Squarcini et Christian Flèche sont toujours en garde à vue ce matin. Ils sont entendus par la police des polices dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour trafic d'influence. Cela fait suite à la découverte de documents lors de la perquisition menée en avril dernier au domicile de Bernard Squarcini, l'ex-patron du renseignement intérieur. Le vol d'armes sur la base de l'armée de l'air d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, eh bien les quatre suspects ont été mis en examen hier soir et écroués. Parmi eux, il y a un homme de l'armée, un caporal-chef. L'éducation prioritaire en France est un dispositif que les gouvernements explorent depuis plus de 30 ans et c'est un dispositif qui ne marche pas. Selon un rapport du CNESO, le Conseil national de l'évaluation du système scolaire, il en ressort que la France a le système le plus inégalitaire de l'OCDE. Au lieu de lutter contre la ségrégation, on dit qu'on donne plus de moyens de façon à la rendre plus acceptable moralement, dit le rapport. Les établissements en éducation prioritaire ont plus de moyens, oui, mais cela ne suffit pas à créer la différence. Les classes ne comptent en moyenne par exemple que 2 élèves de moins qu'ailleurs. À l'étranger, 12 civils tués hier dans les bombardements d'Alep. Les 250 000 habitants des quartiers rebelles ne reçoivent plus d'aide de l'extérieur depuis maintenant pratiquement 2 mois et ils sont privés d'eau depuis samedi. Selon l'UNICEF, la Russie est montrée du doigt pour sa participation aux côtés des forces du régime au bombardement. De son côté, Moscou dénonce ce matin la rhétorique inadmissible des Occidentaux. L'appel de l'ETA au gouvernement espagnol. Dans un communiqué, l'organisation séparatiste basque regrette aujourd'hui qu'un accord de paix ne puisse être négocié comme l'a fait la Colombie hier avec les FARC. L'ETA réaffirme son renoncement à la violence et prône une démarche politique pour avancer vers l'indépendance du Pays basque. Dans le même temps, l'ETA réclame le retour des détenus basques et veut négocier sa dissolution avec la France et l'Espagne en échange d'une amnistie ou d'un regroupement de ses 350 membres emprisonnés un peu partout. Paris et Madrid s'y refusent. Non à une armée européenne, le Royaume-Uni, même en dehors de l'Union, restera opposé à toute idée d'une armée de ce type. Michael Fallon, le secrétaire d'État britannique à la Défense ce matin, l'a dit à son arrivée à Bratislava pour une réunion avec ses encore homologues de l'Union. C'est à l'OTAN, dit-il, de le faire. L'OTAN, selon lui, doit rester la pierre angulaire de la défense européenne. 50 000 chômeurs de plus en août en France, un trou d'air, mais la tendance est à la baisse depuis le début de l'année, selon la ministre du Travail, Myriam El-Khomri. Un échec désastreux, au contraire, pour Alain Juppé. Le candidat à la primaire des Républicains l'a dit ce matin sur France Inter. On a tout misé sur le partage du travail et les emplois aidés. C'est un échec. Il faut remettre l'entreprise au cœur des politiques économiques. 90% des chômeurs, selon Alain Juppé, cherchent un emploi, mais il y en a qui trichent. On travaille pour avoir des droits, puis on se met au chômage, puis on revient. Il faut, selon Alain Juppé, stopper tout cela. Enfin, cette phrase, ou plutôt le rapport du Haut Conseil des Finances Publiques ce matin, qui juge la réduction du déficit public à 2,7% du PIB improbable. On vient de l'apprendre à l'instant. Vous écoutez France Inter et on l'apprend à l'instant, il est 11h03. Du lundi au jeudi soir sur France Inter. Le nouveau rendez-vous, c'est l'émission Énervé du soir. Laurent Goumard. 2 heures tendues sur le fil de l'actualité culturelle et ce mardi, le Énervé raye le parquet. Danse libre avec Stéphanie Di Giusto qui signe La Danseuse, un biopic électrique sur la Loi Fuller et figure imposée avec une icône, l'étoile de l'Opéra de Paris, Agnès Le Testu. Et puis en deuxième heure, main basse sur l'info. Le journalisme est-il au-dessus de tout soupçon? On en parle avec Laurent Mauduit, Daniel Schneiderman, Laurent Geoffrin. Le nouveau rendez-vous, ce soir sur France Inter. À partir de 22h. France Inter, on aime, on vous en parle. Les Inrock Festival, du 17 au 22 novembre. Les Inrock sont de retour cet automne avec les artistes les plus excitants de 2016. Au programme de cette 29e édition du festival, Cassius, Jaguarma, Lescope, Tina Riwen, Paradis, Lys, Formation, Her, Lost Under Heaven et bien d'autres. Les Inrock Festival à Paris et en tournée dans toute la France du 17 au 22 novembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Je n'en dis pas plus sur Inter, c'est Nagui et la bande originale. Trop aimable, merci. Oui, voilà. Tant de chaleur humaine me ravit. C'est vrai. Vous également, passez une chouette fin de matinée et on se retrouvera à midi pour les 20. Bye bye. un garçon partout, hein. Oh. Non, c'est vrai. Moi, allez, faites la paix. Vivement la réconciliation. Faites la paix. Mais c'est toujours comme ça que ça se termine, de toute façon. Bisous, Laetitia. Bisous, Nagui. À tout à l'heure midi pour les infos. Bienvenue avec Leïla Kadrouboudadi. Bonjour à tous. Eric Sigrist, Daniel Morin, Tom Villa, et Charles Mac et Tom Xavier. Bonjour. Et nos invités sont Laurence Arnay et David Bouch. Non. Très bien, corne de bruit, mais on a fait la totale. Pardon. Comment allez-vous, Laurence? Super. Oh, ça vient de gicler. Ouais. Enfin, c'est la bouteille. De l'eau. Non, la bouteille. C'est là que ça vient. Non, il serait temps de pousser un cri contre les bouchons de cristalline. Ouais. Monsieur, madame cristalline, ils sont pourris, vos bouchons. Il n'y a personne n'arrive à les ouvrir, on est d'accord? C'est vrai, moi je on a des combats. On a des combats. Mais moi je vais militer dans l'association Sauvons le bouchon de cristalline. Ou changeons de bouchon. Bienvenue, Danny Boone. Merci. Mais j'allais dire bienvenue aussi. Merci. C'est un peu chez toi. C'est un peu, voilà. Nous allons parler dans quelques instants du film Radin, le film de Fred Cavaillé. Mais d'abord, Tom Villa, avez-vous compris pourquoi Laurence et Dany étaient nos invités aujourd'hui? Mais évidemment, Nagui, j'ai compris. Ils viennent parce que vous nous présentez le film Radin. C'est un peu le film de votre vie, Nagui. En tout cas, ce que j'aime beaucoup avec Danny Boone, c'est que sa filmographie, elle le met en valeur. Voilà. Dans vos derniers films, vous étiez hypochondriaque dans Superchondriaque, Le seul juif sans argent dans Ils sont partout, et Radin dans Radin. C'est quoi votre prochain film? Micropénis, Mère de Béziers? Non, c'est... Mère de Béziers, j'adore. Alors, le pitch du film Radin, c'est... Le pitch du film, c'est Radin, c'est un homme qui est radin. Voilà, ça fait partie des films de niche, les Caïra, Pattaya, Sarnay, les mecs de banlieue. Alors, les radins, on espère très fort que votre public ne le sera pas. Parce que c'est quoi un radin qui va voir votre film Radin? Oh, tu sais, t'emmerdes pas, il va passer dans 6 mois à la télé, on va attendre plutôt. Alors, Dany, dans le film, vous jouez François Gauthier, qui est radin. Et comme il est radin sur tout, il a eu une aventure avec une femme et il a utilisé un préservatif périmé. Et paf, 20 ans plus tard, il a une fille. Et encore, il a eu de la chance d'avoir un bébé, parce que c'est pas radin qu'on aurait pu l'appeler, le film, mais MST, hein, c'est dangereux. Mais vous savez qui sont les plus radins, Nagui? Dans le film, en oui. Général. Ah, dans la les vie. Pauvres. Les enfants. Les riches. Les enfants. Oui, ça, les enfants sont des grosses pinces. Qu'est-ce qu'il t'offre, l'enfant, pour ton anniversaire? Un iPhone, une télé? Non, un dessin. Et en plus, elle est toute pourrie, sa maison. Les fleurs, elles sont plus grandes que la baraque. La porte, elle est au premier étage. La pelouse, elle est bleue. Le soleil, il est violet. Remarquez, on est cruel, parce que quand c'est un enfant, on dit que c'est moche. Quand c'est un adulte, on dit que c'est un Basquiat. Donc vraiment, on est dégueulasse. Non, mais les enfants sont radins, c'est un fait. Pour la fête des mères, qu'est-ce qu'il t'offre, l'enfant? Un collier de pâtes. Radin et voleur, parce que les pâtes, elles viennent du garde manger, la ficelle, c'est un lacet de Tégodas. Enfin, pardon, l'enfant européen est radin. Parce que l'enfant africain, il offrira jamais un collier de pâtes. Il le sait que c'est pas bien de jouer avec une semaine de nourriture. Hein. Non, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Non, je pensais qu'on avait encore en face de nous Patrick Timsit, qui est venu hier avec ses conneries, on peut rire de tout. Et je me suis laissé déborder. Autant et pour qui, moi. Et qui dit qu'en effet, les enfants sont radins dans son spectacle. Non, mais attention, parce qu'il faut pas tout mélanger non plus. Par exemple, un mec qui fait du covoiturage, c'est pas un radin. C'est quelqu'un qui a peur de la solitude. Par exemple, un mec qui prend qu'une douche par semaine, c'est pas un radin, c'est un écolo. Ou un gros dégueu. Une des vannes du film du aussi. Film, absolument. Ouais. Un mec qui change pas l'ampoule des toilettes, c'est pas un radin, c'est un fan de Claude François. Un mec qui met toujours les... un mec qui met toujours les mêmes fringues, c'est pas un radin, c'est un prof. Un mec qui... Non, tu respectes mes parents, toi, tu retires. C'est vrai que les profs sont de forme. Mais non. Non, mais c'est vrai, et puis il faut pas tout confondre. On peut pas, de la on peut pas dire de quelqu'un qu'il est radin s'il gagne pas beaucoup. Par exemple, est-ce qu'on peut considérer que Liliane Bettencourt, qui possède 36 milliards d'euros, est une radine? Ça, c'est une bonne question. T'imagines, elle file 1 milliard à une œuvre caritative, il lui en reste encore 35 milliards. Même elle donne 10 milliards, il lui en reste 25 et elle rebouche le trou de la sécu. Liliane Bettencourt est une grosse radine, j'ai pas peur de lire. Bref, pas d'amalgame autour des radins. D'ailleurs, au début, je voulais faire une chronique très riche, très fournie. Puis finalement, comme on vous reçoit pour radin, je me suis dit, bon, moi aussi, que j'allais faire ma grosse pince. Du coup, je vais juste mettre plein de mots les uns derrière les autres. Frigo, cadenas, ornithorynque, crustacé, rhododendron, Renault 19, tapette à mouche, clafoutis, syphilis et Christine Boutin. Voilà, hop. 10 secondes de droit d'auteur en n'ayant rien foutu. On est au top, bonjour. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Radin est un film bien écrit, bien réalisé, bien joué. Voilà, fin d'émission. Au revoir, Dany. Non, mais ça, merci. C'est trop efficace. Ouais. J'ai eu des frais de taxi. Ça va pas être possible, monsieur. Ah bon. C'est de la radinerie ou du génie de venir présenter sur France Inter un film RTL? Du génie. Je crois pas si bien dire, moi je me suis trompé de route. C'est vrai ? T'es trompé de radio ce matin ? Ouais, j'ai mis pour qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, France Inter. Mais en tout cas, c'est gentil d'être là et d'avoir assumé jusqu'au bout votre présence. Mais j'étais déjà dans l'émission. L'année dernière. Oui, non, pour le film avec Julie Delpy. Absolument. Ah, Lolo. Pour Lolo, oui. Garde un bon souvenir. Dans votre. Bah, gardez-le. Dans votre film, il y a également Noémie Schmitt et Patrick Ridremont que je tenais à citer parce que tous les rôles, tous les personnages sont extrêmement importants. Tout a été dit dans l'explication de Tom. Il est en effet extrêmement radin au point où on peut se demander qu'il est écolo parce que c'est vrai, quelqu'un qui n'allume pas l'électricité chez lui, ça fait partie de l'une des vannes du film. On va pas toutes les dévoilé dans cette émission, mais on se dit, bon, il éteint la lumière parce qu'il fait des économies d'énergie pour le bien de la planète. Voilà, il ne veut pas qu'elle utilise d'eau, pas de bain. Douche pas plus de 2 minutes, voilà. Pas de bain, effectivement, il fait croire qu'il est écolo, oui. Il c'est accepte la il comparaison. Fait croire, il fait croire beaucoup de choses à sa fille, jouée par Noémie Schmitt, qui pense même que son père est fait dans l'humanitaire et économise pour aider un orphelinat au Mexique. Et quant à vous, Laurence Arnay, vous sortez un peu des nymphos... des nymphos. De la nympho, ouais. Pardon, de Working Girl. Mais si, y avait... Le sexe est souvent présent dans les personnages que vous jouez. Et là, vous êtes naïf, pur, violoncelliste. Je suis asexuée même, on peut dire. Dans ouais. Ce même si vous avez dit dans une interview que le violoncelle, vous l'aviez découvert et que pour vous, il y avait un côté sexuel. Non, enfin... C'est plus un rapport à la musique où il y a une vibration qui traverse tout le corps qui est assez assez dingue. Mais et quand on voit où on place le violoncelle, je peux mieux comprendre votre enfin. Réaction. Non, mais il a raison, il faut que ça sente. Hein. Je dois être obsédée, je ne dois pas m'en rendre compte alors. C'est pas sympa. Non, mais ce qui est formidable, c'est que Laurence, vous réussissez justement en étant naïve à dégager un sex appeal incroyable. Vous le savez, ça. Vous en jouez. Sur scène, dans Working Girl. Elle se libère dans le film à un moment donné. Oui, mais pas de manière sexuelle. C'est plus, elle libère l'énergie qui est bloquée en elle. Oui. Elle a pris des cours dans un coup sûr, donc à un moment donné, il y a des leçons qui arrivent. Vous découvrez l'amour tous les deux, et chacun va peut-être soigner l'autre. L'une est très timide, l'autre est radin, et l'amour est là pour penser ses plaies. On se retrouve effectivement. Enfin, elle surtout, elle est attirée par les cas sociaux apparemment. J'ai des chances. Non, mais je veux dire, elle tombe amoureuse. Elle le découvre non, après. En fait, elle l'entend. Ce qui est joli, c'est qu'elle tombe amoureuse en l'entendant jouer du violon. Parce qu'il c'est un virtuose. Ouais. Dans le film, je joue un virtuose au violon, et elle. Il joue avec une telle générosité que C'est le seul endroit lumineux de ma vie. Percer cette radinerie chez lui. Le seul moment où je suis généreux, un peu comme Benoît Poulvord. Oui et non, parce que il y a les je crois que c'est Vivaldi. Les 4 saisons jouées en 12 minutes. Oui là. Je joue ça très vite parce qu'il faut que je rentre chez moi rapidement. Mais très vite, mais bien. Tu le joues bien quand même. On est dans le cadre de la comédie de mœurs, en fait, traditionnelle, avec le même objectif, c'est enseigner, émouvoir, faire rire aussi. J'imagine que il y a des précédents dans la littérature, il y a l'avare de Molière. On verra peut-être plus tard si être avare et radin, c'est la même chose. Il y a peut-être une distinction. Et puis, nous allons recevoir une psy pour en parler. Voilà, et il y a la folie des grandeurs aussi, qui est quand même la référence en termes d'avarice. C'est un film que vous avez été amené. Et Louis de Funès en termes de repères. Oui, il a même de Funès à jouer, là, d'ailleurs, l'avare filmé. Un film de Giraud, je pense. Non, je ne me souviens plus. Je me souviens plus de l'auteur. Mais bien sûr. C'était une des références. En tout cas, pour la scène de concert, c'était une des références de Fred Cavaillé, le réalisateur, qui m'a fait jouer. On tournait 2 minutes les 4 saisons de Vivaldi. Ouais. J'y suis allé à fond, quoi. Et ce film, vous ne l'avez pas accepté dans un premier temps. Il a fallu que Fred Cavaillé le réécrive pour que... Bah, il l'a réécrit, il a amené... Qu'est-ce qui a changé entre la V1 et la V2, en fait, pour que vous disiez oui? La V1 était très bien, sauf que, en fait, quand on me propose un film et que je dis oui, j'aime bien, et bah, j'attends une nouvelle version, des fois, ça prend du temps, et puis au bout de 6 mois, 1 an, je lis une autre version, et j'aime pas non plus, je dis bah non, je le fais pas. Et on dit, ah bah Danny Boone a planté tel projet, voilà, c'est un peu, c'est toujours, donc je préfère dire non, je dis, voilà, avec un petit pincement au cœur, en disant j'aime beaucoup, j'aime bien le personnage, mais je trouve que le scénar va pas assez loin, qu'il est pas abouti, donc je dis non. Et en fait, là, le producteur, les producteurs et Fred Cavaillé m'ont appelé un an après en disant « Tu veux bien relire ?» Et j'ai adoré le scénario. J'ai trouvé que le travail dessus était... Alors, ce qui vous a plu, c'est qu'il n'y a pas que la radinerie et ce n'est pas que le drame de quelqu'un radin dont on se moque et dont on rit tout le long, mais c'est qu'il y a un deuxième volet, j'ai envie de dire, une bascule. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est un la richesse la Capra, du film. C'est un peu la vie est belle. La vie est belle, ouais, c'est vrai. Il y a une richesse dans le... Dans le film, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la convention du radin qui amène des scènes de comédie où les gens se reconnaissent. Puis ça part dans le burlesque grâce à la musique. Et puis il y a l'histoire d'amour et des moments d'émotion, des scènes d'émotion par rapport aux rapports familiaux qui sont très forts, quoi. Et on passe du rire aux larmes. Et je ressentais ça déjà dans le scénario et le film. Et Fred Cavaillé l'a très bien réussi parce que. Il est assez bouleversant. Enfin, les gens, à un moment donné, on rit beaucoup, puis ils sont très touchés, quoi. Ils sont bouleversés par le. Et vous êtes la seule à avoir le côté positif de chez ce monsieur radin. Vous êtes le seul. Oui, parce que je suis amoureuse de lui. Et le beau physique. Et le physique. Très beau. La tenue et tout. Mis en valeur par ce costume en tweed, oui. Moi, je suis amoureuse de lui d'entrée de jeu, donc je vais pas déceler cette radinerie. J'ai pas du ramer, ça, en baratinant. Comme je fais tous les jours. Encore tout à l'heure dans les loges. Ben voilà. Voilà. Et au moment où elle pourrait avoir cette découverte là, il y a toute l'histoire de l'orphelinat au Mexique qui arrive et qui lui confirme que ce mec est un super héros. Donc du coup, elle redouble d'amour pour lui et elle a une sorte de haine envers toutes les personnes qui lui ont dit de se méfier de ce type. Dans les comédies, ce sont toujours des moments dramatiques qui sont en situation, c'est-à-dire la radinerie, le rapport avec sa fille. La maladresse avec toute la société environnante, tout ça fait que c'est normalement triste. Ça pourrait être un documentaire ou un sujet de Mille et une vies présenté par Frédéric Lopez, et d'un coup ça devient une comédie. Oui, c'est le moment. Ça devient une comédie. Pourquoi? Parce que on sait justement que ça va bien finir. Qu'est-ce qui changerait d'un film dramatique? On pourrait faire le même film en étant extrêmement triste. Voilà, Si les Dardenne réalisaient, je veux dire, on pouvait faire un truc très grave. On tire les séquences toujours un petit peu plus loin pour qu'il y ait justement cette espèce de décalage qui... On part d'une situation très réaliste et voilà, tout le monde se retrouve là-dedans, mais il y a ce décalage qui fait que ça crée l'humour. Après, c'est une comédie... tous les partis pris ont été faits pour que ce soit plus drôle que dramatique. Et on s'inspire de radins, on les observe, Danny Boone, pour jouer, pour essayer de trouver des... On les connaît dans le métier, on en connaît. Faut balancer là, je ne peux pas commencer une phrase comme ça. Je ne peux pas parler de Cadmerade à la radio sans qu'il soit là. Je ne peux pas. Hypochondriaque déjà, c'est Michel Drucker. Donc là maintenant, radin c'est... Non, c'est pas Cad. Quel geste pourrait justement symboliser le radin? S'il devait y avoir un geste au cinéma... qui vous a aidé à en trouver sans doute d'autres, mais est-ce qu'il y a une gestuelle particulière au radin, les épaules plus vers l'avant? Ah non, mais il n'y a pas d'économie de gestuelle, je pense. Non. Il y a les fringues déjà. Vous portez le même costume pendant tout le film. D'ailleurs, ça a été très compliqué de trouver ce costume. À part un t-shirt de Vivagel, ouais. Bien sûr. Qui n'existe plus. Il y avait une démarche quand même. Hein. Vu les godasses que j'ai, si tu veux, pour marcher avec. J'ai des vieilles godasses qui étaient très confortables, qui étaient très laides et très confortables. Sauf un moment où la pointure n'est pas la bonne. C'est très drôle. Très très drôle. Pour le concert. Ouais. Mais je mets du marqueur. Je cire mes chaussures au marqueur marron. Mais le film en lui-même, déjà, un producteur, à quoi on voit qu'un producteur est radin? C'est que quand il fait des économies de costumes, c'est le même costume tout le long. Économie de lumière, parce que tout est à la bougie, alors que c'est vrai que normalement, les comédies flashent par les couleurs. Et puis, aussi... Mais dans le jeu, il y a quand même une façon de marcher, une façon de se tenir, pas ouvert sur le monde, j'imagine. Oui, il est introverti, c'est vrai que la séquence occupe pas... Non, le personnage est très sobre au début, en tout cas, je le joue très sobre. Tout à l'économie, oui. Contrairement au conseil de radin que Tom Villa a donné tout à l'heure, c'est-à-dire dire au radin, n'allez pas au cinéma, attendez que ça passe à la télé, non, vous ferez des économies. Qu'est-ce que ça serait un radin qui voudrait aller voir radin? Je te donne un exemple. Ouais. Un radin qui veut aller voir radin, ouais. Il dit à sa fiancée, viens, on va voir radin, on se retrouve dans la salle. rendez-vous dans la salle. Ce qui fait que la fille rentre et est obligée de payer son billet. Et lui, il la retrouve après en ayant payé son ancien. Tu vois, ça sent le vécu. En passant par derrière, en attendant la sortie de secours. Ça sent le vécu, oui. Je te confirme. Lorsqu'on a annoncé. Alors, Radin sort évidemment ce mercredi. Fred Cavaillé. Et on va arrêter les clichés, les poncifs en disant il se met à la comédie alors qu'il ne nous avait pas habitués à la comédie. Bah, c'est un réalisateur et un bon réalisateur qui réalise bien un film. Point. Et lorsqu'on vous a dit que Danny Boone et Laurence Arnay venaient, vos oreilles ont sifflé. Oui, et immédiatement, j'ai pensé à un Danny Boone plus sombre. Nous sommes en 2005. On écoute. Bougez-vous ! Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé ? Shame on you, Gordon. Ça s'appelle haute trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment... Le pays ? Mais qu'est-ce qui sait le pays ? Sur ce qu'on souffre ici ? C'est Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est un film un peu sombre, un peu différent, où on vous découvre, pour moi, la première fois dans une autre tonalité. Ça vous a valu une nomination au César en 2006 dans la catégorie meilleur second rôle. Est-ce que maintenant, on vous propose aussi davantage de rôles un peu plus sombres, un peu différents ? Je reçois aussi des drames, mais j'en fais pas pour l'instant. Parce que vous recevez des drames, ça veut dire c'est quoi? Non, mais des c'est tellement mal écrit que ça. La feuille d'imposition. Non, je reçois des scénarios qui sont qui effectivement sont des drames, mais j'ai le grâce à mon physique extraordinaire, je sais faire rire. Merci. Je sais faire rire et je trouve important de rester dans la comédie, en fait. Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Voilà. C'est plus difficile de faire rire que tu ferais. Ah, c'est plus difficile, ouais. Et c'est plus facile c'est plus difficile de rester sur une comédie, et c'est très facile de rater une comédie et d'en faire un drame. Mm-hmm. Ça devient d'ailleurs, une comédie ratée devient très vite un drame. Vous avez un exemple précis ? De films que j'aurais fait ? Non, ouais. Mais oui, j'en ai fait, ouais. Un film raté ? Ouais, j'en ai fait. Oui, c'est bien sûr. C'est quoi le film raté ? Ouais. Le film de Gabriel. Mais justement, alors là, moi j'aime beaucoup Gabriel Aguillon. Non, mais le film, c'était compliqué parce qu'il avait fait Pédale douce et Pédale dure. Il avait un discours par rapport à l'adoption, par rapport au mariage gay, tout ça. Donc c'était. Il voulait faire un drame. En fait, justement, il voulait faire un drame et on lui demandait de faire une comédie. Donc il n'était pas d'accord avec le producteur. Et quand je pense à vous, Laurence, je pense à Déborah, la DRH méga nymphomane de Working Girl. Bah, tu vois. On a déménagé sans prévenir sa gentille DRH. C'est bien, ça. C'est très vilain. Oh, oui. On va avoir une petite punition. On va faire pompon cucu. On va faire pompon sur le gros cucu. Oh, c'est méchant. Oh, je suis pas contente. Oh non, je suis pas contente. Aïe. C'est gênant, la radio. Complètement dingue. Ah non, on va le repasser, c'est fini. C'est un personnage jouissif, féministe. Dans tous les sens du terme. Non, mais vraiment, c'est pas juste une caricature de personnage. Et moi, je vous adore dans cette série Working Girl. Non, mais c'est vrai, c'est quand même. Et c'est très, très osé de l'assumer, de le jouer aussi fort. On va vraiment au bout de chaque situation. Il est question de continuer Working Girl ou pas? Là, on vient de tourner la saison 4, Working Girls à l'hosto. Donc, ça promet de. Il y a eu Noël en prison aussi. Ouais, on change de décor maintenant. Est-ce qu'il y a des. Comment dirais-je ? Il y a un moment où on dit non, ça je le fais pas. Est-ce que dans l'écriture, quand vous recevez un texte. Non, moi c'est surtout si j'ai déjà fait. Parce que vous faites comme ça, petite fille, bien rangée, bien élevée, et là évidemment il vous pousse dans le retranchement. Je me demande même si les auteurs se disent c'est Laurence Arnay, on va lui rajouter non, ça. Non, généralement c'est nous qui amenons. Il faut aller plus loin, les gars là. C'est vrai. D'accord, ok. Mais non, ce qui m'amuse, c'est de toujours avoir un challenge. Si on a déjà fait une séquence dans une autre saison qui est un peu similaire, je dis non, ça m'amuse pas. Alors soit on la pousse vraiment plus loin, soit on l'annule et on fait autre chose. Et un petit dernier, ce que l'on sait moins, Danny Boone, c'est le mélomane que vous êtes et votre fascination pour... Le piano. J'ai reconnu le piano. J'ai rien dit. Et mon regard, j'ai fait une grosse gaffe. Glenn Gould. Tu vois ? Qui reprend Bach. Ouais. Et vous jouez des instruments. Alors je vous ai observé pendant le film, puisque vous êtes instrumentiste aussi. Bon, c'est pas exactement les mêmes instruments que vous pratiquez, vous, au quotidien. Non, mais je joue la. Il y a un moment, il y a un morceau de Bach, d'ailleurs, où j'aimerais que ce soit la chaconne, jouer la chaconne de Bach. Et il y a une partie que j'arrive à très bien jouer, d'ailleurs. Au violon ? Ouais. D'accord. Enfin, non, mais j'ai appris, d'ailleurs. Dites-nous la vérité. C'est pas vous qui jouez du violon. Parce que dans évidemment, c'est dans, moi. Dans toutes les mais non, évidemment mais que c'est évidemment. Pas toi. Mais menteur. On entend. Regarde. Oh là là c'est là comme là si là les là mecs ont fait un tour de magie extraordinaire et les gens font. Il y a un truc. Il y a un truc. Non, ce qui me gêne pas c'est toujours. Que, non, ce qui me gêne, c'est que dans les interviews, vous dites j'ai pris des cours de violon, oui, j'ai découvert le violon. Non, mais je vous crois. Non, mais je vous crois. Mais connaissant un peu le violon, il y a. Voilà, il y a non. L'archer n'est pas toujours. En face. Ouais. Quoi, tu joues du violon, non? Nagui, c'est plutôt la flûte. Moi, non, mais mes enfants, oui. Et je peux dire que, voyant un violon tous les jours, là, j'ai bien observé. Non, mais c'est super bien fait. Mais dites-le qu'il y a un mec qui vous double. Il n'y a pas de honte. Pas toujours. Non, pas toujours. C'est André Rieu. Le concert dont tu parlais tout à l'heure, les 12 minutes où je joue, c'est moi qui joue. Mais tout est pitché. On s'est accéléré, oui. Mais le son, c'est pas vous. J'arrive pas à lui faire avouer. Mais vous auriez pu devenir pianiste. Non, mais c'est vrai, j'ai dit que j'étais doublé. Non. Vous auriez pu devenir pianiste. Ça, j'aurais aimé devenir pianiste. Oui. Sur scène, d'ailleurs, vous jouez. Je joue sur piano. Scène, oui. Et c'est moi. Ça c'est super bien. Mais est-ce le piano, je l'ai bien posé. Tous les deux, vous avez pris des cours de violon et de violoncelle, Laurence. Oui, on a eu un coaching de 2 mois. Où on a bien bossé. Hein. Puis entre chaque séquence, on allait répéter. C'est l'instrument le plus dur, l'instrument à cordes. Il n'y a aucun repère pour trouver la bonne note. Il n'y a que l'oreille pour avoir la justesse. L'indépendance des deux mains, parce qu'elles ne font pas du tout le même geste au même moment. J'ai fait de la guitare, donc c'est facile. Non, ouais. c'est plus facile. Puis j'ai pas eu les cornes. Enfin, ouais. J'ai déjà de la corne, donc au bout des doigts, grâce à la guitare. Mais est-ce que vous allez continuer à jouer du violon? Oui, je continue. Mais ça va? Oui, bien sûr. Je voulais même en mettre sur scène là, mais j'ai plus de place. Parce que je fais du ukulélé, de la guitare et du piano. Mais j'ai pris des cours avec Sarah Nentamou qui est premier violon de l'Orchestre National de France ici en dessous là. À la maison de la radio. Ouais. Et qui a été voilà, qui m'a enseigné pendant 3 mois non-stop le violon, c'est et qui m'a trouvé formidable. C'est quoi non-stop? Mais on s'est vu presque une tous heure, les jours. Une heure ou deux par jour. Mais c'était un truc de dingue. Ouais. Et elle a trouvé c'est que un truc de dingue pour vos voisins et votre famille, surtout au début. En fait, Sarah vient de sortir de dépression là. Elle arrive à marcher un peu dans le parc sans pleurer. Faut pas lui montrer ni de photos de violon, ni de photos de comique. Vous, Laurence, vous avez envie de continuer le violoncelle? Oui, moi j'ai prévu d'en acheter un, mais après, c'est vrai que le cinéma, c'est magique pour ça, parce qu'on se retrouve dans un orchestre avec 70 musiciens, on devient un premier violoncelle en 2 secondes. Moi, c'est vite monté à la tête, donc c'est vrai qu'à la fin du tournage, tout le monde me dit « Ah, super !» Je dis « Ouais, non, mais je pense que là, je vais intégrer un orchestre très prochainement. » Puis je suis rentrée chez moi, j'ai essayé de jouer, je fais « Bon, on va rebosser un petit peu. » C'est génial d'ailleurs d'être avec l'orchestre. Ah, c'était fabuleux. Ah, c'est un sentiment de puissance. J'ai essayé tous les instruments, tout ça. Je disais « Ah, je peux essayer ça. » Laurence Arnay et Danny Boone sont à l'affiche de Radin, le nouveau film de Fred Cavaillé, avec Noémie Schmitt, qui est absolument aussi juste et parfaite que nos invités. Oui. Non, mais c'est-à-dire, les mouvements vraiment, tellement où j'arrive, je la vois dans différents films, incarner différents personnages, et elle est capable, comme on se le disait juste avant l'émission, Laurence et moi, capable de passer d'une étudiante de 17 ans à une femme extrêmement sexy, de 24 ans, enfin voilà. Bonne comédienne suissesse, ce qui vous a particulièrement touché et plus, Dany? Parce que ma femme est suissesse, c'est vrai. C'est ce que je voulais entendre. Mais alors, pour la petite histoire, c'est Yael, c'est ma femme qui m'a fait découvrir Laurence, en fait. Elle l'avait vu dans un film d'aujourd'hui. Entre autres, mais elle est fan elle est très très fan. Moi je croyais que c'était la Bretagne de Fred Cavaillé et votre Bretagne qui avait été le point commun. Et ma Bretagne? Oui. Elle n'est pas bretonne. Je ne suis pas bretonne. Ah, non. Je croyais que vous étiez bretonne. Je viens du sud-ouest, moi. Ah, ouais, rien à voir. Bassin d'Arcachon. Très bien. Non, mais Nagui, c'est la bonne direction. C'est la même gare. Assurez-moi, c'est en dehors du périph? Oui. Ah, ok, ça va. Alors, c'est vraiment moi qui joue du saxophone dans le film. Voici l'humeur de Frédéric Sigrist. Bonjour. Alors aujourd'hui, leçon numéro 5 du manuel de survie dans l'isoloir. La leçon d'aujourd'hui, c'est en politique, il vaut mieux être dans un programme télé qu'avoir un programme politique. Alors cette nuit, aux États-Unis, avait lieu le premier grand débat opposant Hillary Clinton à Donald Trump. plus de 80 millions de téléspectateurs. C'est un échec, ils s'attendaient à 100 millions. Oui, enfin quand même, c'est énorme. Ah ouais, c'est un échec. C'est presque autant regardé que le Super Bowl. On dirait taratata. Ouais. C'est presque autant regardé que le Super Bowl. Et il faut dire que Hillary Clinton, qui tient 25 minutes sans faire un AVC, ou Donald Trump sans dire de conneries, c'est une performance physique aussi impressionnante que 60 minutes de football américain. Et c'est là que je me suis dit que la politique, finalement, c'est un sport. C'est le sport des supporters qui n'aiment pas voir des gens courir. Alors, qui a gagné le débat? On s'en fout, on sait qui perd à la fin, les Américains. Parce qu'une grosse majorité d'entre eux les détestent autant l'un que l'autre. Les États-Unis, en ce moment, ils doivent choisir entre blénorragie ou chlamydia. Alors, si ça ne vous parle pas, imaginez un deuxième tour, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, vous allez comprendre. Alors, Hillary Clinton s'est très bien préparée à son débat avec Donald Trump, déjà en survivant, hein, parce que ses conseillers lui ont dit qu'être morte pouvait constituer un handicap à son élection. Alors, on l'a pas vu, mais à chaque fois que la caméra était sur Donald Trump, un assistant venait donner un strip-seal et de l'humex à Hillary pour qu'elle tienne le coup. Elle a même été coachée par des psys pour s'entraîner à débattre avec lui, tellement le mec est imprévisible. Elle a rencontré des tueurs en série, elle a dormi avec des hyènes, elle a tenté de comprendre les questions d'André Manoukian. Tout ça pour pouvoir débattre avec Donald Trump. Parce que Donald Trump, c'est très difficile à comprendre les questions d'André Manoukian. Hein. Parce que Donald Trump, il a peut-être pas l'expérience d'un grand politicien. Par contre, il a présenté une émission de télé-réalité pendant des années. Donc si tout d'un coup, il pense que faire du catch avec un nain péruvien unijambiste, c'est plus efficace qu'une analyse géopolitique, il n'hésitera pas. En plus de son côté aussi, il s'était très bien préparé aux questions de fond que pouvait lui poser Hillary Clinton. Monsieur Trump, comment comptez-vous financer la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique ? Merci. Monsieur Trump, la solution pour résoudre le conflit syrien passe-t-elle par des tractations avec le régime de Bachar al-Assad ? Il était incollable, il avait bossé tous les sujets. Il avait même préparé une arme secrète pour sécher Hillary. Monsieur Trump, pouvez-vous nous expliquer pourquoi certains de vos employés n'ont pas été payés pendant des mois ? Pourquoi vos employés n'ont pas été payés pendant des mois ? Ah, je vois, vous allez répéter tout ce que je dis. Ah, je vois, vous allez répéter tout ce que je dis. Qu'est-ce que c'est puéril ! Qu'est-ce que c'est puéril ! On n'a pas d'équivalent de Donald Trump en France. Il faudrait le créer en laboratoire. Et à mon avis, la recette, c'est ça. Il faudrait un poil de cul de Cyril Hanouna, une dent de Liliane Bettencourt, une mise en examen de Nicolas Sarkozy, un œil de Le Pen. On ajoute une crinière de poney, on mélange au shaker, mettre sous UV pendant 30 minutes et tada ! Un Donald Trump à la française. Alors en France, les journalistes sont extrêmement impartiaux. On traite les deux candidats exactement de la même manière. Si Hillary Clinton est élue, c'est une politicienne aguerrie qui devra peut-être apprendre à se défaire un tout petit peu de sa culture du secret. Voilà. Et si Donald Trump est élu, on fera tous pipi du sang, les bébés naîtront avec deux têtes et des pieds de bouc, mais en dehors de ça, c'est strictement le même traitement médiatique. Et c'est exactement comme moi avec mes enfants. Pas de favoritisme. Je dis toujours à ma fille, sache-le Valentine, je t'aime autant que... C'est quoi ton nom déjà ? Les commentateurs disent « Mais vous vous rendez pas compte, si Donald Trump est élu, les tensions entre communautés vont être terribles, les États-Unis ne vont plus penser qu'à eux et vont vouloir faire la guerre avec la planète entière !» Ah bah comme maintenant en fait, hein, parce que même avec un président noir, les Afro-Américains ne sont toujours pas devenus imperméables aux balles. Hein, et Obama, ça le gêne absolument pas de faire un discours sur la compassion et la paix dans le monde pendant qu'il bombarde Alep en Syrie. Obama, à mon avis, doit réciter du Ronsard pendant la sodomie. La seule vraie différence entre Obama et Trump, c'est que cette fois, leur président aura vraiment la gueule de leur politique. Alors il y a un chiffre intéressant pour mieux comprendre cette campagne. Donald Trump a reçu 74 millions de dons et a investi 54 millions de sa fortune personnelle, tandis qu'Hillary Clinton a reçu 289 millions de dollars de dons de ses compas de Wall Street, Goldman Sachs, Coca-Cola et autres Monsanto. Une Hillary Clinton qui, tout comme Donald Trump, était pour la guerre en Irak. Alors effectivement, Donald Trump est peut-être un cancer, mais n'oublions pas que pour nombre d'Américains, les Clinton aussi sont la cigarette. Merci. France Inter, Nagui, on va passer le choléra. La bande originale. C'est ça, il faut choisir. Exactement. La bande originale de nos invités Danny Boone et Laurence Arnay. La politesse, vous voyez d'ailleurs que je dise Laurence Arnay et Danny Boone sont à l'affiche de Radin, le film qui sort ce mercredi, que l'on vous recommande et qui est un moment agréable à passer. C'est quand même essentiel par les temps qui courent. On vous a demandé quelques musiques que vous pouviez écouter dans des dates où on a essayé de trouver des points communs dans vos différentes carrières. En 2006, par exemple, Danny, vous écoutiez... Guess to dim my life as figure that's made. Qui s'est chanté aussi? C'est lui qui chante. C'est pas moi. C'est la tortue. Oui, que j'adore. C'est vrai, vous regardiez beaucoup Nouvelle Star? Non, mais je regardais pas, mais j'adore Christophe. Enfin, vous écoutiez, vous regardiez pas, mais vous écoutiez. Oui, j'écoutais Christophe. Ouais. Et puis après, c'est l'album qui a suivi, mais c'est le premier single qu'il a fait. Il a une voix absolument magnifique. Vous réalisez en 2006 votre premier long métrage, La Maison du Bonheur, qui était plus un documentaire sur mes chantiers. Effectivement. Non, mais c'était du vécu, vous avez dit, c'est en toutes vécu, les interviews. Ouais. C'était, Oui, c'est du vécu, ouais. J'ai fait des travaux et je suis peut-être un des seuls à avoir eu un chauffe-eau qui a pris feu. un ballon d'eau qui a pris feu. Et mais vous vous rendez compte, même là, quand vous le dites, c'est-à-dire que tous les malheurs qui vous arrivent dans la vie font rire, Dany. Mais depuis le début, hein, je me suis fait attaquer par un chien à mon premier spectacle dans un bistrot, et j'en ai fait un sketch, quoi. Le garage Mercedes. Le garage Mercedes, oui, c'est tout, oui, bien sûr. Autant, c'est important de transformer ça en. D'accord, mais de réparer encore, en rien. Encore aujourd'hui, il vous arrive n'importe quoi dans la rue, dans un resto ou autre. Oui. Tout le monde dira, tiens, c'est Dany Boon qui fait un gag, même si vous coupez le doigt au resto, même si vous faites tomber quelque chose. Ça peut faire Pierre et le loup. C'est ça. Mais je, oui. Lorsque. Alors, les goûts musicaux sont légèrement différents, puisque Laurence, elle, en 2006, écoutez. You can take a picture of something you see. C'est du lourd, c'est de la grosse prod. Coldplay. Ouais. Tellement bon, ça. Vous avez vu sur scène Ah oui. Je suis une grande fan de Chris Martin, donc je vais souvent les voir en. On reste dans le Chris, hein, on reste dans le Chris, ouais. Des deux côtés. Ah oui, non, mais c'est formidable. Puis lui, c'est un vrai amoureux de la France. Et, Ah ouais. Je suis allée le voir au Royal Alberto il n'y a pas longtemps, là. C'était fabuleux. Dernier album. Ouais. À quel point la musique est importante pour vous dans votre travail de, je sais pas, de concentration, dans les moments d'attente que l'on sait particulièrement longs au cinéma pour les réglages de lumière, de. Ouais, après sur un plateau c'est toujours délicat parce qu'il faut pas non, trop s'isoler. Ouais, mais pas s'isoler non plus de l'équipe. Je trouve que c'est maintenant on est tous avec nos téléphones là, plus partagés ensemble. Mais dans un travail de préparation ou même jour le jour quand on est hors tournage, moi c'est du matin au soir. Ouais. Dans ces années 2006, vous dites avoir joué devant 4 personnes au début de votre carrière. Le public, c'était un one-man show, le public venait peu à peu. Ouais. C'était dur, je m'en souviens, parce que même un soir, je voulais annuler, ils étaient 5, et il y avait un mec qui dit « Non, mais attendez, sur Billets Réduits, hier, vous avez joué pour 4 !» Le mec avait dit « Elle a tout donné, on était 4, c'était génial !» Salut Dominique Farrugia, quand même, qui est le premier à avoir cru en vous. Ouais. Ouais, non, je salue. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne lâche rien dans ces moments-là? Qu'on se dit, c'est mon métier. Mais non, parce qu'on s'éclate quand même sur scène, même s'il y a 4 personnes et qui sont à fond, moi j'ai adoré. C'est hyper formateur. Il n'y a aucun moment où l'on doute et on se dit, c'est pas mon métier, je me suis trompé. Bah, pas quand on est sur scène en tout cas, mais peut-être après. En 2011-2012, Dany Boon écoutait. Don't you remember? Non, j'ai dit écouter, j'ai pas dit chanter. Ah, ça, c'est le. Adèle. C'est la première fois où justement la douche était réussie chez moi. Et je pouvais chanter dessous sans être. Électrocuté. Oui. Vous réalisez Rien à déclarer, un film qui a fait plus de 8 millions d'entrées aux côtés de Benoît Poulvorde. Être réalisateur, auteur, réalisateur, et j'ai envie de dire compositeur, interprète, quand on est comédien, c'est beaucoup pour un seul homme, mais c'est un vrai plaisir pour vous, un vrai kiff. Oui, j'adore. Bah, en fait, c'est l'école du musical. J'ai fait du storyboard quand j'étais dans le dessin animé, donc j'étais dessinateur au départ, de la photo, donc je connaissais l'histoire de focale, de matériel, de technique. Et puis voilà, en faisant rire, en étant sur scène, d'un coup je me suis dit, tiens, on fait un peu tout soi-même aussi sur scène. Oui, c'est ça, au musical un peu, oui. Donc je me suis dit, pourquoi pas, et j'ai essayé avec La Maison du Bonheur, mais j'avais les ch'tis en tête. Mais je voulais pas rater un film sur ma région, donc je savais pas si j'étais capable ou pas. Et puis... Ah, c'était vous, les ch'tis? Ouais, c'était moi. Ah, ok. Ouais, parce qu'on voit, j'ai le cas, j'aurais dû, on n'a pas assez bossé l'émission. Il faut qu'on la bosse. Et voilà. Et d'ailleurs, Benoît Poulvorde, c'est un acteur extraordinaire, d'une grande générosité, mais il était très près de ses sous. Non, parce que. Non, je dis ça. Yes! Non, je sais ce que j'ai une anecdote. Vous balancez comme ça. Mais oui, pourquoi c'est pas drôle. Mais c'est un Benoît, peu... non mais Benoît. Il le sait, non? Oui, surtout son entourage le sait. C'est le seul. J'ai réussi à lui faire payer un pot en fin de tournage. Je pense que je vais être le seul film. parce qu'on était en tournée en Bretagne. Bref, il n'y avait personne, c'était en plein hiver. Et il y avait un seul hôtel et toute l'équipe cherchait un restaurant. Et je dis, c'est l'avant-veille de la fin de tournage, et je dis, bon, j'invite tout le monde à l'hôtel, quoi, au resto. Et donc je vois avec le patron, on fait un menu, de ça, et je paye pour tout le monde. Donc il se lève, il me dit, il me remercie, il dit voilà. Et puis il fait merci, moi je vais prendre du homard, il blague, enfin bref. Et donc je me lève, je dis, ça tombe bien, est-ce que demain je dis Benoît invite tout le monde? Tout le monde fait ouais. Et il fait chiche. Et donc là, je l'ai, devant tout le monde, il a fait ok, je paye. Sauf qu'il a fait non, mais on va pas se nourrir, on a qu'à plutôt aller au bar, on fait plutôt un pot où on boit. Il se dit, ce sera moins cher. Et donc il a donné un budget au patron barman de l'hôtel en disant, je veux pas dépenser plus. Donc on était là avec l'équipe, au bout de 10 minutes, le mec a fait, vous êtes au bout du budget. Et là, Benoît a fait « Allez, c'est pas grave !» Il dit « Allez, on y va !» Enfin non, il a dit « open bar pour tout le monde !» Sauf qu'il a payé le lendemain, j'ai vu sa tête, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu Benoît. Et il en parle encore, en disant que je suis le seul à avoir réussi à lui faire payer un pot de fin de tournage. Mais l'équipe est constituée de combien de personnes? Parce que tout d'un coup, j'imagine... On comment, est 200 à peu près. Ouais, ouais, quand on paye un coup pour 200, ouais. On va reparler de la radinerie et de Radin évidemment dans quelques instants, mais je voulais quand même que l'on évoque un formidable rôle de Laurence Arnay. C'était en 2012, lorsque vous écoutiez Tempo Trap. Une belle année 2012 pour vous, ouais. Parce qu'il y a plusieurs très beaux rôles. Il y a un rôle dans Un jour mon père viendra, avec Gérard Jugnot, François Berléand et Olivia Ruiz. François Berléand, ça aussi on n'en parle pas assez, mais enfin c'est vraiment quelqu'un de... Enfin bon, bref. Ah bon. Alors, on sort plus de style. Je l'ai remarqué, moi. Et puis il est méchant. vous jouez dans ce qu'il a dit à propos de Danny Boone, c'était gênant. Oui, c'est vrai. Mais on avait dit qu'on ne le répéterait pas. Non, dans pas, Dépression et des potes, où vous êtes une aveugle particulièrement douée au pas ping-pong. D'info. Pas d'info, pour une fois vous n'êtes pas d'info, mais extrêmement drôle, et puis le plus beau rôle, celui de maman. Oui, mais, oui, tout à fait. Mais il y avait eu Bowling aussi. Ouais. En fait, j'ai tourné Bowling, dans le film je découvre que je suis enceinte, et à la fin du tournage je découvrais vraiment que j'étais enceinte. Ah, waouh. D'accord, ça c'était pendant ouais, le tournage. Ouais. Ok, de ce film avec Catherine Froux. Exactement, et Mathilde Seigner. Ouais, ouais. Formidable, ouais. Et Firmine Richard, ouais. dans lequel... Qui s'endormait pendant les prises, Firmine Richard. Ça devait être passionnant. Mais le bowling, c'était pas son truc. Ouais, un bowling quand tu joues pas, à un moment donné, ouais. Il faut. Ouais. Mais non, c'est faut un très bon film. Bah t'attends, t'es assis et tu t'enquiquines. Avec des pompes qui puent surtout, ouais. Non, c'est et des mycoses. Ouais, c'est terrible. C'est dégueulasse. Il faut absolument mettre d'autres chaussettes ou avoir d'autres. C'est dégueulasse les chaussures de bowling. Mais c'est quel sport génial. Vous aimez vous jouer au bowling? Quel sport génial. Bowling. Il y a Guy qui s'en bat. On va osoir la faire. Ça devrait être olympique. Si ouais. Alors moi, il y a deux trucs qui me gênent, c'est les boutons de cristalline et les chaussures de bowling. C'est vraiment, moi, je supporte pourtant, pas ça. Nagui en porte tous les jours. Mais c'est les miennes. C'est les vôtres, c'est vrai. Parlons donc de Radin, ce film avec Laurence Arnay et Danny Boone. Revenons au fond du sujet ou au fond du problème, c'est-à-dire cette radinerie. On voulait en parler d'une manière plus, j'ai envie de dire, sérieuse, mais gardons le sourire quand même, oui. Avec Marie-Claude François-Augier. Je marque bien un temps, sinon ça fait Marie-Claude François-Augier. Oui. Là, c'est plus problématique. Vous êtes psychologue, clinicienne et psychanalyste. Je voudrais juste que l'on définisse la radinerie, parce que c'est tout est relatif. J'ai un peu envie de dire, c'est un peu comme la connerie. On est toujours le con de quelqu'un, on est toujours le radin de quelqu'un. On trouvera toujours quelqu'un de plus pingre ou quelqu'un de plus généreux que nous, non? Oui, enfin, il y a différents degrés dans la radinerie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bah, si vous parlez dans le micro, c'est... Il y a ceux qui sont bons gestionnaires, économes par prudence, voilà. Et puis par crainte de l'insécurité dans les temps qu'on vit. Voilà. Morin, t'as rien à dire parce que hier, on a bouffé ensemble, je t'ai invité à manger, tu m'as même pas dit merci. Quoi ? À la fin du repas, j'ai payé, je suis parti, il fait hey, salut à demain. Vous avez payé quoi, Nagui ? Le repas que t'as bouffé, salaud. Ah, c'est bon. D'habitude, je pars en courant, mais là, pour ça, je ne m'en pas courir après. Merci, Nagui. Non, mais j'ai pensé. Un acte manqué de radinerie, peut-être. Non, c'est Morin. Non, c'est Morin. Bon, alors, le radin qu'incarne Danny Boone, lui, il est malheureux. Et il est accro, drogué à la non-dépense. Son obsession, c'est de ne pas dépenser. Alors qu'il est riche, il a plus de 200 000 euros sur son compte en banque. C'est oui, pas, il n'est pas en manque d'argent. Non, mais lui, il ne veut pas dépenser. Il y a quelque chose qui le paralyse. C'est vrai que vous avez des sueurs froides à l'idée de devoir dépenser quelque chose, d'offrir un pot, je n'en parle même pas. Non mais ma question, prendre un café. Non mais ma question, ma question. L'enfant, c'est ça qu'il faut rappeler. Il est traumatisé à la naissance, dans le ventre même de son père. Parce que déjà dans le ventre de son père, qui lui dépensait tout. Était un panier percé. Voilà, la maman lui a dit dans le ventre, promets-moi de pas être comme ton père, voilà. Et de pas trop dépenser. Non mais ma question, c'est est-ce que par exemple, lorsqu'on se sert d'un bon de réduction de quelques centimes d'euros quand on va au supermarché, on est radin ou on profite d'une opération commerciale? Non, pas du tout. Ça, ce sont les nouveaux radins, les consommateurs intelligents. Ce sont des gens qui essayent de faire des économies et de ne pas acheter au prix maximum. Et je trouve ça très bien. Alors, à quel moment on devient radin? Quel est pour vous le signe? Quand on est obsédé par le fait de ne pas dépenser. Alors, on ne va pas voir un copain parce qu'on ne veut pas prendre un café et surtout pas partager et encore moins le payer. Mmh. On se laisse inviter au pot ou au restaurant par les autres. Donc, quand ça a une influence, quand vos économies ont une influence directe sur votre mode de vie et votre relationnel. C'est l'obsession de l'économie. D'accord. C'est l'obsession de ne pas donner, de ne pas partager et de ne pas dépenser. Oui. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le côté pas d'électricité chez moi parce que je m'éclaire à la lumière du jour ou au lampadaire. Ceci dit, en même temps, c'est joli. Il y a une belle lumière très jolie. Ouais. Ce qui est moins joli, c'est qu'il a gardé les mêmes meubles depuis que ses parents sont disparus. Ça n'a pas bougé. Évidemment. Et comment on appelle quelqu'un qui est capable d'engranger de l'argent, de l'économiser, de la thésauriser, mais de le dépenser en quantité pour lui, mais jamais pour les autres? Nagui. Parce que le. Après ce que j'ai dit, t'es plus crédible. Parce que dans le film, il dépense pas pour les autres, il dépense pas pour lui, parce qu'il a son vieux costume. Il y a des gens comme ça qui peuvent avoir envie de dépenser pour eux, mais pas vers l'extérieur. Et là, est-ce qu'il y a une nuance? Ça, c'est la fermeture totale aux autres. Ouais. Ça, c'est de l'égoïsme total. Alors, dépenser pour soi, mais pas pour les autres. Oui. Mon beau-père, mais mon beau-père, par exemple, il veut laisser pour ses enfants, donc il voyage en classe éco, il dépense pas. Donc il se prive pour ses enfants en disant oui, je veux laisser à mes enfants. Ouais, alors ça, c'est le souci de la transmission. Ouais. Hein, c'est une économie, mais en même temps, il n'en prive pas ses enfants puisque plus tard, ils auront beaucoup d'argent. Enfin, on espère qu'il peut faire des cadeaux en attendant. Ou des billets d'avion, enfin des miles. Je sais pas si on peut éviter des miles. Je crois pas. Non, mais il met de côté entre-temps pour donner à ses enfants, c'est la transmission. Laurence Arnay a raison quand elle dit qu'on se prive, enfin, qu'on rate la vie en société quand on est radin, c'est-à-dire qu'on rate le rapport avec l'autre. Mais alors, comment doit-on réagir quand on fréquente un radin? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit lui faire remarquer qu'il est pingre? Est-ce qu'on doit le comprendre en se disant, c'est son trait de caractère, il faut faire avec? Quels sont les signaux? Comment gérer la présence d'un radin? D'abord, le radin, il s'isole, et vous le montrez très très bien dans le film, il y a un repli sur soi qui est total. Ouais. Il s'isole. Sauf que vous rencontrez votre fille et un grand amour, qui est Laurence. Donc là, vous commencez à vous ouvrir, mais vous mettez du temps. Et en même temps, il construit tout sur un mensonge qui va évidemment amener beaucoup de situations extrêmement cocasses. J'ai dit ça dans le film d'ailleurs, à un moment que je suis seul et que je sais, que je sens que j'arrive pas et que je vais finir sûrement encore plus seul. Et on a eu des témoignages en avant-première avec des enfants qui ont dit, mais moi mes parents, enfin mon père est très radin, je vais reprendre contact avec lui, j'avais coupé les ponts. Je pense que c'est bien de garder la relation en fait quand même, de rester en contact, même s'il faut accepter en fait, je pense. Est-ce que c'est d'ailleurs héréditaire, la radinerie? Non, c'est pas héréditaire. Dans le film, c'est l'inverse. C'est-à-dire que le fils a le comportement inverse de son père. Et visiblement, sa fille aura le comportement inverse de son père aussi. Donc, ça change. Est-ce que c'est l'éducation qui rend radin? Mais simplement, quand on voit un radin, il faut qu'il réfléchisse toujours à la façon dont ses parents jouaient l'argent entre eux. Et dont les parents avait un rapport à l'argent. Ainsi, la mère, comme votre mère vous dit, ne soit pas quand même parce que le père a tout flambé, là, on peut s'inscrire exactement en obéissant à sa mère pour ne pas répéter quelque chose qui était dramatique, probablement. Est-ce que c'est un mal masculin ou féminin, ou on est dans la parité aussi? C'est universel. C'est universel. Il n'y a pas de genre. Mais on a l'impression que c'est les mecs qui sont plus radins que les filles. C'est ceux qui avaient l'argent pendant longtemps. Oui, parce qu'ils avaient l'argent et que les femmes ne travaillaient pas. T'inquiète pas, les nanas sont en train de rattraper l'écart. Mais je ne pense pas que le radin ait besoin d'être riche ou pauvre. C'est un état de fait. Mais alors, on peut ne pas dépenser pour un café. C'est ça. On ne partage pas un café. C'est cher le café pour ce que c'est quand même. J'ai une question, docteur. Le médecin de l'âme. C'est très joli. Je voulais savoir, parce que ma femme, ma mère, c'était soit l'un, soit l'autre. Ma mère, justement, elle est pas, je pense pas qu'elle soit radine, mais au bout d'un certain nombre de places pour mes spectacles ou mes films, elle fait payer la famille. C'est-à-dire qu'elle comme vous dans le film pour le loyer. Bah oui, au bout de, elle offre 10 places, puis après, je lui dis maman, tu peux pas faire ça parce que j'ai signé pour des oncles sur des tickets payants. Je fais mais tonton me dit pas que t'as payé. Elle me dit non, mais il me dit ta mère dit qu'on dépassait 10 et voilà, et donc il faut qu'on paye. Et j'en ai parlé. Et ma mère m'a dit, elle me fait arrête, on sait jamais. Donc, on sait jamais. Ouais. Drôle, je pense que votre maman ne veut pas non plus gêner ou trop taper dans les exos et être un poids pour vous. Je crois qu'elle a peur que je manque ou que de retrouver une situation. Vous lui avez dit, j'ai 10 invitations. Voilà, elle respecte la règle que vous lui avez donnée. Non, du tout. Non, elle peut. La famille. Pour en avoir 11. Elle a peur de l'insécurité. Elle parce qu'elle a manqué. Voilà, parce qu'elle a manqué. Ça, c'est une génération. Oui. Peut-être. Est-ce que c'est de la radinerie? Non, c'est... Non, c'est de la bonne gestion. Bon, un petit peu quand même resserré. Quand on vieillit, hein. Sur le petit clan familial. Est-ce que c'est vrai, lorsque vous avez eu l'énorme succès, on me le confirme en régie, que vous avez eu un énorme succès avec un film, je crois, qui s'appelait Bienvenue chez les Ch'tis. Vous confirmez? Je pense, vous ça confirmez. Me dit quelque chose. Est-ce que c'est vrai que votre maman vous a dit, tu vas quand même pas t'acheter une nouvelle voiture? Non, elle m'a dit, je l'ai appelé pour lui dire le soir, quand je lui ai dit, maman, on est en train de faire le plus grand succès de l'histoire du cinéma. Elle me fait, il y a eu un blanc. Achète pas une nouvelle voiture. Hein. Ça a été sa première fois. C'est génial. C'est génial. Formidable. C'était sa première fois. Son premier compliment. Et c'est ça les valeurs en termes d'éducation. Oui, aussi. Voilà. Elle transmet les valeurs de prudence. Et je fais pareil avec mes enfants. Je leur parle de mon enfance, des débuts difficiles, que je jouais dans la rue. À chaque fois qu'on voit un artiste dans la rue, je dis il faut donner quelque chose. Alors justement, comment éduquer les enfants par rapport. Le rapport avec l'argent avec les enfants, c'est-à-dire comment l'argent de poste, l'économie, pas être radin mais en même temps pas tout claquer, comment les éduquer? C'est un vaste sujet, on les éduque. Eh bien je vous demande de répondre maintenant. Vous avez deux minutes. L'argent de poche, c'est la solution, en leur expliquant comment on gère l'argent de poche. Et une fois qu'on leur a donné, on leur dit, tu n'en auras plus d'ici un mois. Et je t'apprends à le gérer. Et après, on ne s'immisce pas dans les dépenses. Ça leur apprend que l'argent, c'est quelque chose qui peut disparaître. Si vous en mêlez pas de ces dépenses... On leur apprend pas la gestion. Voilà, comment leur dire, là tu as trop dépensé ou là tu es trop radin. Parce qu'ils reviennent le deuxième jour en disant, j'ai plus un sou pour m'acheter... Même s'il est radin, si vous avez donné 5 euros pour le mois... Beaucoup. Pardon ? Ça c'est pas beaucoup, ça dépend de l'âge. Il a 6 mois, ça va. Si vous avez donné 10 euros, peu importe. D'ailleurs, dites-moi, alors, qu'est-ce qu'il faut donner à un enfant de 10 ans ? Il n'y a pas de règle. La moyenne en France, c'est 18 euros par mois. Pour les 8 euros par mois ? 18. Heureusement que les enfants ne m'écoutent pas. Oui. 18 ? Oui. Okay. Mais entre quel âge et quel âge aussi ? Parce que moi, je donne à mon fils de 19 ans, je lui donne 18 euros pour le mois, il n'est pas content. Ça dépend ce que vous mettez dans les 18 euros. Est-ce que les radins développent des maladies particulières ou bien spécifiques ? Les radins ? Ouais. Non, les avares, ils développent la rétention, c'est-à-dire la constipation. Ça, c'est l'origine freudienne de l'avarice. Ah oui. Alors, l'avare et le radin, c'est pas la même chose ? Vous faites une distinction. Alors, moi, je trouve que le radin, lui, il ne veut pas dépenser, point. Ouais. Mais même un café pour un copain. L'avare, il est obsédé toute la journée par l'idée d'accumuler et de gagner. C'est pour ça qu'il a du mal à aller aux toilettes, de se libérer de quelque chose. Oui, enfin ça c'est la phase anale chez Freud. Alors bon, c'est un peu... Mais on y est toujours un peu, madame, vous savez. Non, mais enfin, ce qui est d'autre. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est médicalement, même si le terme vous ne l'aimez pas, psychanalytiquement expliqué à l'instant, on le retrouve dans le film, mais avec de la comédie, de l'humour. Voilà. Et c'est vrai que on regarde le film en se disant, est-ce que c'est un peu moi ou est-ce que je connais quelqu'un qui est un peu. C'est ça, évidemment, ça parle. Il y a des témoignages d'ailleurs, et je trouve que les radins on invente des choses assez incroyables. Il y a une grand-mère. Ça, c'était un témoignage de quelqu'un qui avait vu le film. Sa grand-mère, en fait, elle offrait un sachet de bonbons aux enfants avec marqué 15% gratuit dessus. Et elle gardait une poignée en disant « c'est les 15% que je n'ai pas acheté ah, ». Et comment on fait pour guérir ? Enfin, je veux dire, pour essayer d'aller mieux. Alors, ça sera notre dernière question, Marie-Claude. Oui. D'abord, est-ce qu'on peut soigner la radinerie ? Voilà, question de Layla. Les radins et les avares, ils ne viennent jamais consulter. Mais l'entourage. Ce sont les femmes ou les maris qui viennent en disant mais c'est plus possible, je vais la quitter ou je vais le quitter parce que. On va pas dévoiler l'une des très bonnes vannes du film. Il y en a plusieurs, mais il y a une consultation. On dira pas qui, comment, ni où. Mais c'est quand même très très rare qu'on vienne consulter pour cela. Donc ça se soigne pas. Bon, si ça se soigne, mais ça se soigne avec la poussée de l'entourage et la pression, et en tout cas dans le film, Gautier se sort finalement de ce problème grâce à deux femmes. Oui, c'est vrai. Grâce à l'amour, l'amour paternel filial. Et à l'amour envers une femme. Est-ce que la générosité est une même pathologie que la radinerie? C'est-à-dire, est-ce que ceux qui invitent à tour de bras, comme Danny Boone, est-ce qu'on a le sentiment que finalement, ils se sentent coupables d'avoir des sous, soit ils achètent une vie sociale. Ils achètent l'amour et la reconnaissance. Ouais. Alors, mais on les appelle plutôt les prodigues. D'accord. Et c'est ça. Mais cela existe et ils sont aimés, admirés, jusqu'au moment où, si ils sont ruinés, ils se retrouvent tout seuls. C'est moche. Oh, merde. Fais gaffe. Je vais arrêter. Ouais. C'est le prochain film. On ne peut pas t'acheter une voiture neuve. Non. Merci Marie-Claude, François Logier d'être venu. Elle a donc répondu à cette question. La radinerie est une pathologie. Mais moi, j'aimerais savoir votre avis à vous, Daniel Morin. Est-ce que c'est une pathologie qu'il faut soigner? Bordel, mais c'est pas possible. Les dieux de la super question sont à vos côtés, Nagui. Une fois encore, vous êtes dans le vrai, sauf que là, vous trempez dans le faux. Aujourd'hui, la bonne question est, la radinerie poussée à l'extrême, n'est-ce pas surtout une preuve d'intelligence? Croyez bien, ça me désole de me répéter de la sorte, mais je sais très bien que du haut de votre tour d'ivoire en or, vous avez du mal à vous en rendre compte. C'est la crise. Crise financière sans précédent qui frappe notre pays de façon aussi brutale que cruelle. Dans les campagnes, on a commencé à manger les vieux. On confond souvent, et à tort, radinerie et gestion sage. Eh bien, soit qu'on y aille carrément, qu'on arrête de se voiler la face, portons la radinerie là où elle le mérite, au pinacle. Une sortie resto, allez-y en bande, et juste avant le café, prétextez un léger malaise intestinal. Personne n'aura le courage, quand vous vous leverez en vous tenant le ventre, de vous dire « Hop, n'oubliez pas de passer à la caisse !» Ou alors vous allez manger avec Nagui, c'est vrai, il paye souvent pour les autres, même quand ils ne disent pas « Merci !» Pour Noël, ne tombez pas dans le piège, aussi idiot que vieillot, de faire des cadeaux aux gosses. Dites-leur que cette année, le Père Noël est malade. Dites-leur que cette année, le Père Noël a attrapé Zika ou la vache folle, qu'il est hospitalisé à la salle pétrière avec Jacques Chirac. Les cadeaux pour cette année, c'est mort, mais que l'année suivante, tout rentrera dans l'ordre. L'année d'après, vous leur refaites le coup en disant que cette fois, il a attrapé une pneumonie en couchant avec Hillary Clinton. En cadeau, un cadeau à un collègue qui part à la retraite. Ne dépensez rien. Dans un couloir, prenez une photocopieuse, embellez-la vite fait, emballez-la vite fait, pardon, et donnez-la en disant « Tiens, ça te rappellera le boulot, mais c'est quand même vachement pratique et ça coûte hyper cher. » Surpris et presque gêné, il vous embrassera chaudement, laissant à leur mousseux les trois cons qui seront cotisés pour offrir une cravate moche. S'il n'y a pas de photocopieuse qui traîne dans vos couloirs, prenez une pierre dans une forêt, offrez-la et dites « Tiens, fais attention, c'est une pierre tombale précolombienne, c'est hyper rare et méga cher, tu peux la faire graver pour toi si tu veux. » Il sera très sensible à ce cadeau. Cadeau auquel on ne pense que trop rarement, et pourtant, quoi de plus judicieux comme cadeau pour un retraité qu'une pierre tombale, hein? Vous voyez, on peut très bien s'en sortir intelligemment sans passer pour un sagouin en étant le pire des radins. Comme quoi, vous voyez, monsieur Guy, ça me désole, le constat est triste mais vrai. Encore une fois, vous avez dit N'importe quoi. Merci. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Je voudrais revenir sur une déclaration que vous avez faite, Laurence Harnais. C'est dans le dossier de presse, d'ailleurs, du film. Donc je pense que les producteurs sont totalement d'accord avec ce que vous avez déclaré. Vous avez dit « Je comprends tout à fait qu'on ait proposé le rôle de radin à Danny Boone parce qu'il parvient à être le pire des enfoirés. » Faut qu'on parle. J'ai dit ça. Il n'y a pas toute la phrase là. Ah non, il n'y a pas toute la phrase. Non, parce que Dany arrive à se faire aimer, oui. À être touchant et on a plein d'empathie pour lui. Tout en étant le pire des enfoirés. Voilà. Non, vous continuez la phrase en disant « Grâce à lui, j'ai vraiment compris ce qu'était la générosité de jeu entre acteurs et le lâcher prise. » Ça finit bien quand même. C'est chouette. Ouais. Ouais. Mais le début était un peu tendu. Hein. Oui, je suis d'accord. J'aurais fait couper le début, moi. Ce film a été tourné dans quelle région, à quel rythme? À Paris et région parisienne. Ouais. Et ça dure longtemps, un tournage comme ça? C'était un rapide, long non, tournage, hein, quand même. 11 semaines, je crois. 10 semaines, nous dit le producteur. Lui, c'est... Il a produit la famille Bélier aussi. Et, c'est le producteur de la famille Bélier. Eric Gelman. Donc il est pas radin. Non, il l'est pas. J'aimais ton regard. Les super gênés. Le film dans sort ce mercredi. Quand on aime, on ne compte pas, sauf l'électricité, le chauffage, les transports, le coiffeur, les pourboires. C'est extrêmement drôle. C'est bien joué, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Laurent Sarné, Noémie Schmitt, Patrick Ridremont et Danny Boone à l'affiche de ce film Radin dont on parle encore jusqu'à 12h30 sur Inter. Du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 16h. La récréation ? Et si on faisait une pause ? Vincent Josse. Il est mort il y a 400 ans, c'est sans doute le dramaturge le plus monté dans le monde. Il a écrit « To be or not to be », c'est Shakespeare. Il est notre invité. La récréation. Tout à l'heure, à 16h, sur France Inter. Moi, c'est Marc. Et mon boulot, d'habitude, c'est d'aider les gens à identifier les travaux de rénovation qu'ils peuvent faire chez eux, les accompagner dans leur démarche et les informer sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Alors, si un jour on m'avait dit que j'allais faire de la radio... Quelle que soit votre situation, des aides de l'État existent pour rénover votre logement. Contactez un conseiller rénovation infoservice près de chez vous sur rénovationinfoservice.gouv.fr ou 0808 800 700. Service gratuit plus prix de l'appel. Et du 6 au 9 octobre, profitez aussi de la fête de l'énergie pour rencontrer un conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. Jean-Michel Jarre. En concert du 17 octobre au 12 décembre pour l'Electronica Tour. À l'occasion de la sortie de son nouvel album Electronica 2, The Art of Noise, le pionnier de l'électro sera en tournée à Strasbourg, Lyon, Dijon, Clermont-Ferrand, Nantes et à Paris le 12 décembre, à l'Accor Hôtel Arena. Jean-Michel Jarre, Electronica Tour, du 17 octobre au 12 décembre. Un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Il est midi et vous êtes bien sur Inter. Les informations étaient sagaillées. Quel est l'état exact du groupe Alstom en France et à l'étranger? Un cabinet d'experts va travailler dessus car le comité central d'entreprise d'Alstom a voté aujourd'hui ce que l'on appelle un droit d'alerte économique. Il s'agit pour les syndicats de savoir par exemple l'impact des choix stratégiques de la direction sur l'entreprise. Bienvenue donc chez Alstom où le bras de fer salarié-direction sur l'avenir du site par exemple de Belfort se poursuit. Depuis une heure maintenant, les salariés de Belfort et ceux du Doubs manifestent devant le siège d'Alstom à Saint-Ouen près de Paris. Ils ont affrété un train prêt pour venir. Manuel Ruffez a ainsi rencontré Sabine, militante CGT. On est parti ce matin à 6h de la gare TGV Belfort. Des salariés motivés et déterminés pour préserver le site de production. On voudrait bien garder notre travail et l'emploi sur Belfort et notamment garder surtout un site de production et de conception parce que les transports c'est l'avenir de la France et ça faut pas l'oublier. Transport collectif, le fret, le transport de personnes, c'est l'avenir de la France. On est déterminés et on est persuadés qu'on va gagner notre lutte parce qu'elle est légitime. Qui est-ce qui a le pouvoir, c'est le gouvernement ou c'est votre patron? Les deux ont le pouvoir. Les politiques ont le pouvoir de mettre en place des lois qui justement permettent de développer la filière ferroviaire. Mais le patron peut aussi faire des choix, c'est-à-dire produire en France et pas ailleurs. Cet après-midi, le patron d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, sera d'ailleurs auditionné par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Autre manifestation de salariés, celle ce matin, cette fois devant le tribunal correctionnel de Bobigny, à l'occasion de l'ouverture du procès de l'affaire dite des chemises arrachées. 15 salariés et ex-salariés d'Air France sont jugés. Parmi eux, 5 comparaissent pour violence aggravée. Ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Il y a ceux donc qui manifestent contre les décisions de leur direction. Et il y a ceux qui manifestent pour sauver leur patron. Ça existe, mais c'est plus rare. Illustration quand même à Nîmes. Les salariés de Conforama s'opposent au licenciement de leur directeur pour un magasin mal tenu. En fait, les salariés ne comprennent pas le motif, Fanny Bouvard. Des lits défaits, des rayons à moitié vides. Quand la direction générale visite le magasin en plein mois d'août, tout n'est pas à sa place dans l'enseigne nîmoise. Saint-Nicolas, délégué du personnel, le reconnaît bien. Mais pour lui, pas de quoi justifier le renvoi du directeur la semaine dernière. D'autres magasins ont été visités. Dans la région ont été sanctionnés par des avertissements, mais aucun n'a été licencié en fait. On ne comprend pas qu'on puisse licencier quelqu'un directeur ou chef de rayon ou employé pour des motifs comme ça. C'est jamais arrivé, non. D'autant que la cinquantaine d'employés l'assurent, tout va bien dans le magasin depuis l'arrivée du responsable il y a 2 ans. C'est un bon directeur, un chiffre d'affaires en progression, il était à l'écoute, sa porte était toujours ouverte, on pouvait aller le voir comme on voulait. Mais la direction nationale parle d'une insuffisance professionnelle sans plus de détails. Alors bien décidé à avoir des explications, samedi dernier, les salariés ont fait grève devant la boutique et ont lancé une pétition. Maggie a d'ailleurs été surprise du soutien des clients. On a mis devant la porte un cahier à signatures et nous avons recueilli 578 signatures de clients qui soutiennent le directeur. C'est pas rien. Et ça motive les employés prêts à poursuivre la mobilisation dans les prochaines semaines si Conforama garde le silence. Fanny Bouvard, France Bleu Gard-Lozère pour France Inter. Ramener le déficit public de la France de 3,3% cette année à 2,7% l'an prochain, cet objectif est jugé improbable aujourd'hui par le Haut Conseil des Finances Publiques. Dans son avis remis au gouvernement, le HCFP qualifie les prévisions de croissance retenues par Bercy 1,5% d'optimistes. Il dit avoir été insulté, agressé par des policiers. Il a reçu aussi un coup de taser parce qu'il était venu filmer l'interpellation d'une femme noire à Saint-Denis. Ça s'est passé la semaine dernière. La police des polices a été saisie du cas de Guillaume Vado, cet enseignant de la Sorbonne, qui affirme donc avoir été agressé par des policiers. Un mot du journal de 13h tout à l'heure. On va bien sûr revenir sur les manifestations du jour, mais pas que. À 13h, on ira aussi à Washington retrouver Frédéric Carbone, qui a suivi la nuit dernière le premier débat télévisé entre Hillary Clinton et Donald Trump. Les sondages et les spécialistes donnent la victoire à la candidate démocrate pour ce débat. Un livre, on parlera du livre de Patrick Buisson qui sort cette semaine. Patrick Buisson, ex-conseiller de Nicolas Sarkozy. L'Express en livre les bonnes feuilles. On y apprend ainsi que Nicolas Sarkozy a eu des contacts avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de la présidentielle en 2007 par l'entremise de Patrick Buisson. Nicolas Sarkozy qui aurait reconnu, selon Patrick Buisson, avoir des valeurs communes avec le Front National. Et puis un rapport sera également sur le grill du 13h, celui du Conseil national d'évaluation du système scolaire, le CNESO, qui juge que l'éducation prioritaire en France, ça ne marche pas. Pour en parler, Bruno Tuvic recevra Nathalie Mons, la présidente du CNESO. Mais pour l'instant, sur France Inter, il est 12h05. Du lundi au vendredi à 14h sur France Inter, La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Plongé dans le bouillon scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, l'écologie comportementale de l'animal à l'homme. Vos questions et les réponses en direct des chercheurs. La Tête au Carré. Avec vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Tout à l'heure sur France Inter, à partir de 14h. France Inter. On aime. On aime. On vous en parle. La Fiesta des Suds vous embarque pour ses 25 ans du 19 au 22 octobre au Dock des Suds à Marseille. Un après-midi minot, 3 soirées, 40 concerts festifs pour une odyssée hors norme. Avec Louise Attaque, Hubert Félix Tiefen, Deluxe, Dubbing, Cassius, Jeanne Aded, Skip and Die versus Lindigo, The Dizzy Brands, Naive, New Beaters et bien d'autres. La Fiesta des Suds, un événement France Inter. Plus d'infos sur franceinter.fr. Chaleureusement, je salue le retour de Nagui sur France Inter. Oh, cachez votre voix. Bande originale. Envoyez les danseuses. Tout à l'heure, tout après-midi, elle sera là pour vous informer. Tissa Gaillé et Bruno Duvic viendra à 13h pour le show. Toujours chaleureusement, bien sûr. Toujours chaleureusement. Tout est chaleureux. Chauffe. Ah, chauffe, c'est autre chose. C'est regarde. Je vous laisse. Allez. C'est le monde original avec Leïla Kadrou-Dagi, Tom Villa, Frédéric Sigrist, Daniel Morin, Richard Lange, c'est quoi ça? Richard Lange, merci Nagui, d'accord. Laurent Sardé, notre invité, Dani Boone. Nous parlons de Rabin, le film de Fred Cavaillé qui sort ce mercredi. L'histoire d'un musicien qui est violoniste, et virtuose même du violon, qui n'a qu'un but dans la vie, économiser. Voilà, ne rien dépenser, que ce soit compté, c'est dans la bande-annonce donc je dévoile rien, mais recompter plusieurs fois à la caisse enregistreuse au supermarché. Et tout le monde a droit à l'erreur, faut pas lui en vouloir à 2 centimes ou 3 centimes près. La vie est dans un tempo bien précis, c'est-à-dire comment faire pour ne pas dépenser plus, que ce soit en mangeant des nourritures périmées, en oubliant d'éclairer, en éclairant pas pardon, la lumière, en ne changeant pas ses meubles, ni ses vêtements. En réduisant même sa consommation de nourriture, ouais. En mangeant la moitié d'une portion. Parfois périmée. Oh si. Le steak haché. Le steak haché surgelé. Et arrive la pureté, la beauté, le talent de Laurence Arnay, nouvelle violoncelliste qui vient rejoindre la formation au conservatoire. Et là, elle tombe sur le charme d'abord de sa virtuosité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de sa générosité, mais si elle n'est pas pécuniaire, en tout cas, elle est musicale. Je pense que c'est vraiment artistique. Un exutoire pour lui, il met tout là-dedans. Et comme l'a dit Danny Boone tout à l'heure, on sent que votre personnage a la poisse en termes d'amour. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle est tombée sur un mec, c'était la loose. À mon avis, elle n'a pas eu beaucoup d'expérience, mais ce n'était pas les bonnes à chaque fois. Donc elle a un peu les curseurs déréglés. On pourrait dire une de plus. Encore une expérience. Elle est encore attirée par la loose et par un radin. Ouais. Sauf que c'est une comédie souriante et heureuse où l'amour va porter ses fruits. L'amour de du personnage incarné par Laurence Arnay, qui est Valérie, me semble-t-il, dans le film. Ouais. Mais il y a également la fille incarnée par Noémie Schmidt qui est une fille dont il ignorait l'existence puisqu'il avait utilisé un préservatif périmé et gratuit et donc il ne savait pas qu'il était papa. Là il découvre qu'il est papa et c'est aussi extrêmement drôle la manière dont ça se passe parce qu'elle aime son papa et elle ne peut pas croire qu'il est défaut. Il est radin, elle peut pas croire qu'il est radin. Et elle pense qu'il est d'ailleurs écolo, qu'il économise, que c'est formidable. Enfin, elle est aveuglée par l'amour filial. Et c'est cette hypersensibilité qui vous a plu, plus que le côté radin, comédie, c'est le fait qu'il y ait une bascule humaine justement entre sa fille et sa future fiancée. C'est le mélange des deux, c'est à la fois la comédie pure, quoi, le burlesque, les numéros visuels et l'émotion et la, dans le film. Quoi. Comment vous êtes fait diriger par Fred Cavaillé? Parce que vous êtes vous-même, comme on l'a précisé tout à l'heure, réalisateur. Et d'ailleurs, votre film est attendu pour Red. D'ailleurs, vous aimez bien les mêmes lettres. Hein, parce que oui, Radin, Red, on n'est pas loin. Oui, c'est fou. Oui, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, dans mon film, il y a Alice Paul. Et Alice Paul, c'est l'anagramme de la police. Et elle joue une fliquette qui rentre en Red. Si vous jouez avec les anagrammes, Radin, c'est dinar. Et dinar, c'est une monnaie. Effectivement. C'est aussi une ville. Ça marche pas l'anagramme. Ta vanne est... Non. Mais vu qu'on est en train de dire des trucs inintéressants, je continue. Effectivement. T'es très bon là-dedans. La direction de Fred, est-ce que vous, dans votre relation amicale et confraternelle, vous êtes permis de dire, est-ce qu'on pourrait peut-être essayer de faire ça comme ça? Non, il donnait des indications et je faisais. non, au contraire. Moi, il savait très bien. Il avait bossé sur le scénario. Il savait très bien ce qu'il voulait. Michel Blanc, à ce même micro, nous a dit quand je suis comédien, je suis comédien. Je ne dis jamais, je ne discute rien du réalisateur. C'est vrai. J'ai tourné avec. D'ailleurs, j'ai fait tourner Michel Blanc, et c'est vrai que il ne dit rien. Il propose beaucoup, et voilà. La différence quand on est réalisateur, qu'on est acteur et qu'on devient réalisateur, c'est qu'on sait pourquoi on attend. C'est quand même important. On est plus tolérant. On est plus tolérant et on est et on suit le réalisateur qui bosse depuis 2 ans, 3 ans sur le projet. Voici l'humeur de Daniel Morin qui bosse depuis 3 ans sur cette vidéo. Merci Nagui. Merci beaucoup. Ah nom de Dieu, mais quelle poisse, quel schkoumoun, quel guigne, pauvre François Hollande. Alors que tout était calme, alors que l'attention était ailleurs, alors qu'il se faisait ses petites virées, tranquille, l'air de rien. Oh, je vais voir si les gens comme ça sont heureux, je vais leur dire que je suis candidat, tout en l'étant pas. Ça va, tout va, reprend confiance. Et là, bam ! Plus 50 000 chômeurs au mois d'août. Du coup, il n'ose plus sortir. Il n'ose plus sortir, le François, il a peur qu'une info galère lui tombe dessus. Quant à la poisse comme ça, il ne peut plus rien faire. Moi, honnêtement, je crains le pire pour François. Bon, ça y est, les mauvais chiffres du chômage, c'est du passé. Je vais faire un petit discours, ça va me rapprocher des Français pour ma campagne électorale qu'elle n'est pas encore officielle. Ça va, pas de catastrophe qui pourrait me mettre dans l'embarras, je peux y aller ? Tout va bien, monsieur le Président. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Manuel Valls vient d'être mis en examen pour une affaire de fraude fiscale qui toucherait l'ensemble du gouvernement. Le Premier ministre déclare avoir agi sous le contrôle du Président de la République. Merde ! C'est pas vrai, putain ! Voilà, je suis obligé de rester caché au moins 3 semaines. Fais chier, Manu, fais chier ! 3 semaines plus tard. Bon, tout a l'air calme. Je suis stable dans les sondages, 75% des Français me détestent. C'est le moment d'aller parler à la télé. Moi, je vais aller chez Pujadas sur France 2. France 2, c'est le service public, ils sont gentils avec moi. Ils sont de gauche, je risque rien. Hein, je risque rien. Non, non, monsieur, c'est bon. France 2, c'est à gauche. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Inter, flash spécial depuis hier soir, une vidéo fait le buzz sur Internet. On y voit le directeur de la formation de France 2, Michel Field, en train de boire du champagne dans un jacuzzi en compagnie de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal, visiblement éméchés. On les entend clairement hurler « Le changement, c'est maintenant !» Merde ! Putain, c'est pas vrai ! Fais chier, Michel Field ! On peut plus compter sur les philosophes de gauche. Oh, je vais quand même pas aller chez Jean-Pierre Pernaut parler folklore et météo, merde ! Là, je suis obligé de rester au moins 2 mois caché. 2 mois plus tard. La tension est retombée. C'est le moment choisi par François Hollande pour reprendre sa tournée de campagne qu'elle n'est pas officielle. Bon, là je crois que c'est bon, tout le monde a zappé la vidéo de Michel Field, Sarkozy, Ségolène. Je vais pouvoir ressortir sans me faire emmerder. Hein, c'est bon, je peux y aller. Oui, c'est bon, monsieur le président. Aucun nuage à l'horizon. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Un des enfants de François Hollande est en garde à vue. Il a été appréhendé avec 12 kilos de cocaïne. Lors de son interpellation, il aurait déclaré « C'est pas pour moi, c'est pour papa ». Oh putain, merde ! Oh, c'est pas possible, bordel de Dieu ! Qu'est-ce qu'il est con, celui-là ! Là, je suis obligé de rester caché. 6 mois minimum ! Et qu'est-ce qu'il va trouver ma coke, maintenant ? Oh non ! 6 mois non. Plus tard, ça y est. C'est mort, la primaire est passée, du coup François Hollande se présente sans étiquette. On est à quelques jours du premier tour, il faut qu'il marque son retour avec un grand discours s'il veut avoir une chance d'être au second tour. Bon, là ça va, plus personne me parle de la coke, je peux y aller tranquille. C'est super important ce discours, si j'annule, je suis mort pour l'élection. Ça va, pas de problème en vue ? Nickel, monsieur le président, allez-y, rassurez. Vas-y, mets un flash info, histoire d'être sûr. France Info, flash spécial, demain c'est la sortie du tome 2 du livre de Valérie Trier-Vallée. Un livre encore plus assassin que le premier, car sulfureux, Valérie Trier-Vallée y raconte leur soirée libertine en compagnie de Nadine Morano, Marine Le Pen, Jean-Marc Morandini et deux bergers allemands. Soirée organisée chez un animateur télé d'origine égyptienne proche de Patrick Balkany, dont nous tairons le nom par respect de sa vie de famille. Merci. Il n'empêche que Nagui est très affecté. Bordel, j'hallucine, putain. Qu'on balance sur les bergers allemands, je veux bien, mais Morandini, bon Dieu. Peu de respect. Bon, ça va pas, ça va pas. Je pense qu'aujourd'hui, même Chirac a plus de chances de gagner que lui. À demain. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Le film, donc, Radin, signé Fred Cavaillé sur les écrans à partir de ce mercredi. Quels sont vos projets immédiats, Laurence Arnay, on a parlé tout à l'heure de la saison 4 que vous aviez déjà tournée de Working Girl. Ouais, et je suis en train de tourner en ce moment le film de Maxime Gobard, Daddy Cool. Voilà. Très bien, très bien. Tournage fini, j'imagine, pour Radin. Oui, je suis en fin de montage. Ouais. Le film est censé sortir en février. En février, oui. Vous êtes content ? Oui, oui, je suis vous content. Vous avez vu tout ce que vous vouliez ? C'est particulier, cette période de gestation entre la fin du tournage et la sortie du film, sans oui, savoir bah, comment... Oui, on a le nez dans le guidon, enfin, on sait, voilà, mais les réactions sont bonnes, en tout cas. Les réactions de qui ? De l'entourage, des gens chez Pathé, tout ça, voilà. D'accord, confiant. Et puis vous serez sur scène, parce que c'est le grand retour de Danny Boone sur scène, à partir du 9 novembre, puis la tournée. Les Hauts-de-France, c'est-à-dire que le nom de votre région vous a amusé ? En fait, j'ai écrit un sketch, j'ai même changé mon affiche tellement je trouvais ça absurde. Et c'est un sujet à sketch, quoi. Le changement de nom des régions. Et donc, je m'appelle Danny Deboun des Hauts-de-France et non plus Biloute de Chenard-Pas-de-Calais. C'est fini. Maintenant, je suis un hautain. Voilà. Un hautain des Hauts-de-France. Et en même temps, vous vous servez, comme vous le faites si bien, de tout ce que l'on peut voir dans la vie de tous les jours. Laurence Arnay l'a précisé tout à l'heure en disant maintenant, sur les tournages, tout le monde s'isole avec son portable. Et aujourd'hui, les jeunes, eh ben, ils s'en servent de moins en moins. Hein. Ça, c'est une bonne réflexion de vieux, ça. Ah, ils se mettent en écran de veille, hein. Ils sont comme ça. Il n'y a que les pouces qui marchent. Faut que ça... C'est dingue, hein, c'est vrai. Tu veux rendre ton fils dépressif, hein, coupe-lui les pouces. Hein. C'est parfait, ça. Non, c'est tellement ça. Alors donc, vous avez déjà joué ce sketch ou ce oui, spectacle joué, sur scène oui. Et où j'ai joué à Bruxelles, au Vaudeville, qui est un théâtre où Raymond Devos adorait démarrer ses spectacles. Donc un warm-up dans une petite salle salle de 400 places où oui, j'ai joué pendant une semaine. Ah, il est privilégié. Je peux poser une question technique. Je t'en prie. Quand vous dites, il s'en sert pas beaucoup de l'application, le cerveau. Si la salle réagit pas à fond, vous rajoutez, c'est une bonne réflexion de vieux. Ou si elle réagit tout de suite, vous la sortez pas. Comment ça? Est-ce que j'improvise avec le... Non. Est-ce que tu rajoutes le côté c'est une réaction de vieux quand, en fonction de non, c'est la écrit, salle c'est écrit, là. La salle réagit ou pas? Non. Non. C'était non. Une question. Est-ce c'est que une je... réponse. Merci. C'est l'auteur qui se pose la question. Ouais, je pose la question. Ah, oui. Sur scène. Ouais, ouais. Non, ça dépend. Il y a des choses qui arrivent. Et que faire quand une vanne ne marche pas dans une salle un soir? Ça arrive. Elle a marché on la veille. En général. Elle a marché la veille, pas le lendemain. On se pose. Moi, j'enregistre tous les soirs le spectacle et j'écoute après pour essayer de comprendre. Oui. Ah bah c'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu cet extrait. La prochaine fois, enregistrez mieux parce que le son n'était pas tip top pour la stéréo. Merci, je vous en prie, c'est gratuit. Voici le brouillon de culture de Leïla Kazakounès. Dany Laurence, je vous sors de la promo un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence avec un son pour vous, Dany. Bonsoir, le théâtre privé. C'est un honneur pour moi de présenter votre cérémonie. Et bonsoir, le théâtre public. C'est également un honneur pour moi de présenter votre cérémonie. C'est l'ouverture des Molières, c'était en 2014 avec Nicolas Bedos, une cérémonie que vous aviez plutôt mal vécue, vous, 20 ans auparavant, c'était en 1994. Vous deviez présenter un sketch sur scène. Oui, tous les nominés ont présenté un sketch, Et je faisais effectivement un sketch qui n'a pas marché du tout. En fait, je suis rentré sur scène et la salle est éclairée parce que voilà, c'est télévisé et tout le monde a... les gens tournaient la tête, quoi. Quand je suis rentré, il y a une grande partie de la salle qui faisait oh là là, parce que j'étais un jeune comique et ça a été compliqué. Ouais, l'accueil des théâtreux, la suffisance, ouais. J'étais. On sent qu'on appartient à une grande famille. Là. Ouais. Ouais, c'est ce que je voulais en tout cas. Ça a été la soirée a mal démarré, mais elle a très bien terminé parce que Raymond Devos, dont je parlais, a eu un Molière d'honneur ce soir-là et il vient me voir à la fin, il me dit. Tu fais quoi? Est-ce que tu vas manger, au Phuket? J'ai dit non, je vais aller dans mon coin, tout ça. Je ne me sens pas dans une accueilli par ma famille, justement, de théâtre. Et il m'a dit, je viens avec toi. Et, dans une brasserie. Et il est venu dans une brasserie, à Brasserie Lip. Il est venu, on sait. Alors, je suis arrivé avant lui. Et ce qui est très drôle, et c'est là où Raymond Devos était extraordinaire, c'est qu'il est arrivé donc en smoking de démolière, qu'il a pris une serviette, qu'il s'est mis ça sur le bras et qu'il a fait le serveur dans le restaurant. Ouais, c'est génial. Et est-ce que ça va mieux avec cette grande famille du théâtre? Oui, ça va. Oui, et comment on explique que ça aille mieux? C'est la notoriété, ce sont les succès des films enchaînés. Mais tu veux pas te fâcher avec un producteur? Non, si, moi je peux me fâcher, moi il n'y a pas de souci. Avec les gens, non, c'est pas... Non, ça va un peu mieux. C'est-à-dire, c'est un peu schizophrénique parce qu'à la fois, on est rejeté et à la fois, ils nous demandent de venir pour les histoires d'Audimat. On vous propose des pièces, j'imagine, plus dans le public, dans le privé. Est-ce que... Plutôt dans le privé, bien sûr. Ce qui est normal. Mm-hmm. C'est très bien. C'est très bien que les Molières... Moi, j'étais triste quand les Molières se sont arrêtés... C'est bien que ça reprenne. Et c'est bien en plus. C'est bien présenté. Maintenant, il y a un bon rythme. Ils ont réussi à trouver avec différents. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Section, mais c'est Jean-Marc Dumonté qui s'occupe maintenant. Très bien. Il n'y a plus la catégorie One Man Show. Si, c'est revenu. Ça exclut ce qu'il a eu. Ça vient de revenir. Ah, d'accord. Non, mais ce qui est intéressant, je veux dire, c'est bien de nous utiliser, même si on n'a pas les prix, tant mieux, parce que c'est bien que ce soit pour des jeunes qui démarrent, ou des pièces, ou des moins connus. Pareil pour le cinéma. Les Césars, c'est bien qu'il y ait des gens très connus, et des artistes, ou des découvertes, et que, pareil pour le CNC, que des gros films comme les nôtres financent aussi une partie des films indépendants. Des films d'auteur. Un son pour vous à présent, Laurence. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. Vous avez reconnu Walk the Line de Johnny Cash. Ouais. Et ce titre est devenu le titre d'un biopic réalisé par James Mangold avec Joaquin Phoenix. Super film. Qui est un adoré. Film, qui est un beau film culte, je crois avoir lu. Et j'ai aussi lu que l'un de vos rêves serait soit de jouer dans un biopic, soit dans une comédie musicale. Oui, un film musical. Film musical. Ouais. Alors vous imaginez dans quoi vous... Il y a un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Drake Doremus, qui a fait pas mal de films de comédies assez sensibles qui ne sont jamais sortis en France. Et il a fait un film qui s'appelle Breathe In, et j'ai eu un coup de cœur sur ce film. Et voilà, j'adorerais jouer dans ce genre de film où la musique a une part très importante. Mais comme dans Radin d'ailleurs, hein, j'ai un peu réalisé mon rêve. Et quelle est votre référence en termes de film musical, quelque chose que vous voyez depuis enfant, qui vous hante d'une certaine façon? Oh, j'ai adoré Once, Walk the Line, même New York Melody. Voilà, tous ces films-là me touchent beaucoup. Ouais. Et vous continuez à bosser, j'imagine, le chant, la danse, tout ça, en se disant... Vous chantez bien? C'est vrai? Non, je chante juste, mais je ne sais pas si je chante bien, mais je prends des cours de chant. C'est déjà bien. Je m'éclate en tout cas juste, à le faire. Ouais. Oui, c'est très important. Vous prenez des cours de chant, ouais, donc c'est très toujours, précis. Ouais. Vous avez commencé parce que je trouve que c'est hyper important. Conservatoire d'Angoulême. Oui, voilà, mais pour le piano. Ouais. J'avais fait un peu de chorale, mais ça aide la musique à la justesse du jeu pour un comédien, une comédienne, c'est-à-dire la musicalité. Ouais, la musique de l'intonation du jeu. Pour prendre des voix, pour prendre des accents. Pour la comédie, oui. Pour la comédie, ça aide la musique. Souvent, d'ailleurs, les comiques sont... Enfin, ceux qui font de l'humour, les acteurs comiques font de la... Le rythme et la musique sont des voix communes. Justement, transition toute trouvée, la musique, je vais vous faire un petit conseil culturel et des petits cadeaux à tous les deux. Pour vous, Danny Boone, je vous offre la symphonie fantastique Berlioz-Lavandier. C'est le balcon. Et un jeune chef d'orchestre que j'aime beaucoup, c'est Maxime Pascal, qui est totalement dingue. Il faut le voir diriger une fois dans sa vie pour vous rendre compte que ce garçon est totalement allumé et qu'il vit vraiment la musique. Donc ça, c'est pour vous, Danny Boone. Et pour vous, il y a une scène dans Radin d'un chef d'orchestre qui devient allumé malgré lui, mais qui est formidable. Et voilà. Et pour vous, Laurence, pour aller dans ce côté un petit peu barré que moi j'ai découvert dans Working Girl, je vous offre Boulevard des SMS de Brigitte Fontaine. Mais non, mais c'est Brigitte Fontaine, donc elle a quand même quelques lettres de noblesse. C'est illustré par Fretsch et c'est Casterman. Ce sont des aphorismes, en fait, Brigitte Fontaine. Par exemple, si vous ne comprenez plus rien à rien, pensez à autre chose. Voilà, ce sont les conseils de Brigitte Fontaine. Les touristes sont ridicules. Dommage que le ridicule ne tue pas. Donc ce sont des pensées courtes, souvent philosophiques, mordantes, toujours très très drôles, je trouve. Voilà, c'est chez Casterman, illustré par Fred. Donc il y a un dialogue entre le dessin et les aphorismes de Brigitte Fontaine. C'est pour vous chez Casterman. J'ai oublié citer l'excellente Isabelle Nanty pour la mise en scène du futur spectacle de Danny Boone, des Hauts de France. France pour fêter les 25 ans de scène, c'est incroyable. Isabelle Nanty, c'est déjà plus. À partir du 9 novembre, il reste encore des places. Toutes les exos ne sont pas à la maman de Tani. Donc profitez-en, il sera en tournée dans toutes les nouvelles régions de France. Certaines n'ont pas changé de nom d'ailleurs. Je crois que la Normandie, par exemple, n'a pas changé de nom. Si, si. En Normandie, oui, ça s'appelle. Ah, tu les connais par cœur, oui, les parce régions. Parce qu'il y a les Hauts de France, les Bas de France, côté de France, de l'autre côté. Milieu. Ici, on est milieu. M-I-Y-E-U, milieu de France. Ils ont simplifié. C'est le nivellement par le bas. Ah, haut, en bas, à droite, à gauche et au milieu. Voici la cascade de questions, des questions courtes avec des réponses courtes. On commence avec Fred Sigris. Laurence, est-ce que vous êtes toujours en contact avec les quatre personnes qui étaient venues vous voir? Non. Daniel Morin. Danny, votre insulte préférée? Fumier. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Ça me fait du bien. D'accord. Merci. Tom Villa. Laurence Arnay, vous aviez tourné la série courte pour Canal Feed aujourd'hui. Vous êtes quoi comme feed aujourd'hui? Oh là, c'est compliqué ça en cours. Une fille banale d'aujourd'hui, une fille normale. Non, pas si banale que ça. Non, cachez votre jeu. Leïla. Danny Boone, un jeune humoriste à découvrir ou un artiste que vous avez vu récemment sur scène qui vous a plu? Florent Père. Excellent, Florent, ouais. Frédéric, c'est lui. Est-ce qu'il arrive un moment où on accepte l'idée qu'on ne fera plus jamais 20 millions d'entrées? Mais pourquoi? Mais je l'accepte toujours pas, même en les ayant fait. Ah, vous acceptez pas de l'avoir fait? Oui, de lui dit de les refaire. Ah non, mais non, c'est un truc... Moi, j'y crois pas. J'ai du mal à y croire, franchement. Red Dingue, pour vous, ça va être un carton? Oui. Sinon, vous l'auriez pas fait. Je sais pas. J'espère que ça va marcher, évidemment, on espère. Mais plus par... plus par le fait d'être apprécié et que les gens aiment rient et aiment le film, quoi. Mais le nombre d'entrées, c'est pas les Jeux Olympiques. Est-ce que quelqu'un dans votre entourage, dans la production, vous a dit, avec le climat actuel, les attentats, faire de l'humour autour du raid, c'est un sujet délicat? Non, parce que je fais pas de l'humour autour du raid, au contraire, je mets en valeur les gens du raid. C'est une femme policière qui rentre dans... C'est une fliquette, voilà, qui est dans le 16e, qui rêve d'héroïsme et d'action et qui veut rentrer au raid, sauf qu'elle a pas les capacités. C'est Pierre Richard en femme. Et elle rentre quand même au raid parce que son papa, qui est joué par Michel Blanc, est ministre de l'Intérieur. Donc il la pistonne sans qu'elle le sache. Voilà. Tom Villa. Danny Boone, vous jouez dans Radin et vous êtes aussi producteur. C'est un message pour vos employés ou pas, hein? Pour dire qu'il y a pas... C'est possible. Leïla. Laurent Sarnet, un livre de chevet, un livre qui ne vous quitte pas. The Secret. C'est quoi? C'est un truc sur la loi de l'attraction. Donc voilà, donc comme c'est une fille... C'est pas 50 nuances de vrai. C'est le centre d'attraction. Non, dépend, non, mais c'est vrai que comme je suis un peu, pour répondre à la fille d'aujourd'hui, avec des tendances un peu dans les doutes et d'angoisse de temps en temps, ce bouquin est assez énergisant, donc je le lis régulièrement. Daniel Morin, des excuses à présenter, j'imagine, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, désolé pour Laurence déjà, qui après l'approche légèrement orientée cul de Nagui, a décidé tout simplement de porter plainte contre l'Égyptien Priapic. Désolé pour Dany, qui après avoir été traité de menteur par Nagui, a décidé tout simplement de porter plainte contre le voleur d'Alexandrie. Désolé pour les enfants de Nagui, suite aux plaintes conjuguées de Dany, de Laurence, ne verront pas leur père violent avant 2 ans. Désolé pour le beau-père de Dany Boone, la mère de Danny Boone, Benoît Poulvord, l'ancien pote de Danny Boone. Ce matin, il a tout balancé sur votre radinerie. Au moins, lui, il n'est pas avare. En saloperie. Merci, Daniel. Merci à toi, Nagui. Ah, salut. Je savais que tu m'en voudrais, mais à ce point-là, c'est moche. Et comme on dit dans le monde du spectacle, merde pour l'avenir et pour ce mercredi, en l'occurrence, avec Radin. Et surtout, merci d'être venu à ce micro, Laurent Sarnet, Danny Boone. Portez-vous bien. Voici Philippe Bertrand. Moi, je vous donne rendez-vous d'ailleurs ce soir avec Philippe Bertrand et Leïla Kaddour Boudadi, puisque nous allons jouer avec la France et les régions, d'ailleurs. Et ça sera en direct avec Stéphane Bern sur France 2 à 20h50. Et merci, Philippe, d'avoir été de l'aventure. Avec plaisir, mon ami. Et je suis un peu fatigué. Excusez-moi, hier soir j'ai assisté à un concert, le concerto pour violon Ré majeur opus 61 de Beethoven. Et comment il s'appelait? Daniel Boone. Oh là là, incroyable. Excellent. Merci. Excellent. Il a même joué une pièce après pour prouver sa souplesse en caouet. Ah oui, c'est pas facile. Et c'est la truc de Schubert que vous jouez tous les deux en duo, non? C'est pas du Schubert? Si. Violoncelle et violon, je crois que c'est du Schubert dans le film. Bonne émission, mon truc Philippe. Tombe à l'eau. Non, c'est du Mozart. Non, ça tombe. On fait du Schubert aussi. On fait les deux. Ouais. Mozart et Schubert. Ça tombe pas à l'eau, Philippe. Non. Non. Le caouet ne tombe jamais à l'eau. Salut les amis. Ciao. Salut. Merci Nagui. Sur France 3, la fiction parle de notre société. Le combat d'une famille pour comprendre l'inacceptable. Il s'est passé quelque chose la veille de sa mort. Je sais rien. Je suis désolé. Marion, 13 ans pour toujours. Une fiction inspirée de faits réels, suivie d'un débat sur le harcèlement scolaire. Ce soir, dès 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Le 18 octobre à 20h, la maîtrise de Radio France fête son anniversaire. 70 ans, un bel âge pour 180 enfants qui conjuguent talent, jeunesse et virtuosité. À l'occasion d'une soirée exceptionnelle dans l'auditorium de la Maison de la Radio, ils interprètent les grandes pages du répertoire de la maîtrise. Le 18 octobre, on souffle les bougies en chantant. Entrée libre sur réservation maisondelaradio.fr. 70 ans, ça se fête. France Inter, c'est l'heure.